وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة، وعظنا الوعظ هو التذكير بما يلين القلب سواء كان ترغيبا أو ترهيبا، هذا معنى الموعظة. ومعنى الوعظ هو التذكير بالآخرة، التذكير بالجنة والنار، التذكير بيوم الحشر والنشر، بما فيه ما يلين القلب سواء كان ترهيبا أو ترغيبا. ومما يدل على أن هذه الموعظة أنها بليغة قد أثرت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أما تأثيرها باطنا فقد وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، فقد ذرفت منها العيون، أي بكت منها العيون، فقد أثرت فيهم هذه الموعظة تأثيرا بليغا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رقة قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كانوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يتأثرون بسماع المواعظ سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم عباد الله، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين تلين قلوبهم ومن الذين تخاف قلوبهم عند سماع الموعظة. أي نعم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Toutes les louanges n'appartiennent qu'à Allah, et j'atteste que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Quand ensuite, mes chers frères, notre noble cheikh Abdelhadi, qu'Allah le préserve, prend la parole aujourd'hui en votre présence en disant la chose suivante. Louange à Allah, et nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Et c'est auprès d'Allah que nous nous repentons contre le mal qui est en nous-mêmes et contre le mal qui est dans nos péchés. Et je témoigne et j'atteste que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Que les salutations d'Allah et les éloges d'Allah soient faites sur lui ainsi qu'à ses compagnons dans leur intégralité. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé à partir de celui-ci son épouse et qui a fait naître à partir de ces deux beaucoup d'hommes et de femmes, et craignez Allah à propos duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang, certes Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites de bonnes paroles. Il améliorera vos actions et vous pardonnera vos péchés, et quiconque obéit à Allah ainsi qu'à son messager a certes triomphé d'une grande victoire, quand ensuite, certes la meilleure des paroles est la parole d'Allah, et la meilleure des voix et la voix de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses qui puissent exister, ce sont les choses nouvelles en religion. Et toute nouveauté en religion est innovation religieuse, et toute innovation religieuse est égarement, et tout égarement mène au feu. Quant ensuite, mes chers frères, c'est une belle occasion que nous avons une fois de plus que de se rencontrer dans l'obéissance d'Allah jalla wa ala. Et tout comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, à chaque fois qu'un groupe ou une communauté se réunit dans l'une des maisons d'Allah, lisant le livre d'Allah, le récitant et le révisant entre eux, la quiétude descend sur eux et les anges les entourent et la miséricorde les enveloppe et Allah les évoque dans ceux qui sont auprès de lui. Et louange à Allah qui nous a guidés vers cela, et nous n'aurions pu être guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Mes chers frères, aujourd'hui, Le sujet que je vais traiter avec vous aujourd'hui tournera autour d'un hadith, d'une parole authentique du prophète alayhi salatu wassalam et d'une exhortation très valeureuse et très importante parmi les exhortations et parmi les rappels du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette exhortation, mes chers frères, est une exhortation qui est complète et qui est englobante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous est rapporté ce hadith par le compagnon Al-Irbad ibn Sariya, qu'Allah l'agré. Et donc il est venu par Al-Irbad ibn Sariya a rapporté, il a dit en ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté d'une exhortation dont les cœurs ont frémi et dont les yeux ont versé des larmes. Et nous avions donc dit, ô messager d'Allah, ceci ressemble à une exhortation d'adieu. Alors, donne-nous un conseil. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je vous conseille et je vous enjoins fortement la piété, même si se rebelle contre vous un esclave abbasite. Et dans un récit de ce même hadith, « وَإِنْ تَمْأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ » Et même si se rebelle contre vous un esclave, et dans un récit un esclave abbasite, et dans un autre récit un esclave abbasite, aux membres découpés. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il poursuit en disant, et certes ceux qui vivront parmi vous verront et constateront beaucoup de divergences et beaucoup de divisions. Cramponnez-vous donc à ma voix et à la voix des califes bien guidés après moi. Mordez-y avec les dents les plus reculées et prenez garde quant aux choses nouvelles en religion. Car toute nouveauté en religion est innovation religieuse et toute innovation religieuse est égarement et tout égarement. Dans un autre récit de ce hadith, dans une autre riwaya, il complète le prophète alayhi salatu wassalam en disant « Et tout égarement mène au feu » ou bien « Et tout égarement est dans le feu ». Ce hadith, mes chers frères, rapporté par Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, est certes un hadith grandiose qui fait aussi partie de ce que l'on appelle « Jawami' al-Kalim ». C'est le fait, c'est cette exception qu'Allah jalla wa'ala a donnée au prophète alayhi salatu wassalam, c'est le fait qu'il dise peu de choses en voulant dire beaucoup. C'est le fait qu'il prononce peu de paroles en contenance et qu'elles aient beaucoup de sens. Et cette parole englobante, bien évidemment, émane d'Allah jalla wa'ala qui l'a octroyée au prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith, qui est un hadith complet, qui est un hadith englobant pour celui qui le prend en compte et qui le met en œuvre et en pratique, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, mes chers frères et mes chères sœurs, Al-Irbad ibn Sariya, qu'Allah l'agré, radiyallahu ta'ala anhu. Donc on reprend le début du hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté d'une exhortation, wa'adana en langue arabe, et le radical de ce mot-là, l'origine c'est al-maw'idha. Et comme l'a expliqué le shirk, qu'Allah le préserve, wa'adana ou bien al-maw'idha, étymologiquement en langue arabe, ça signifie al-tadhkiru, ça signifie le rappel. Ça signifie le rappel qui atteint le cœur. Que ce rappel soit du tarhib ou du tarhib, que ce rappel rappelle le jour du jugement dernier, qu'il rappelle le châtiment d'Allah ou qu'il rappelle la récompense d'Allah. Ça, c'est la définition étymologique en langue arabe de al-maw'idha, wa'adana. C'est al-tadhkir, c'est le fait de rappeler. Et plus particulièrement de rappeler l'au-delà, de rappeler le jour du jugement dernier, de rappeler le paradis d'Allah jalla wa'ala qu'il a promis à ses croyants et de rappeler l'enfer qu'il a promis à tous ceux qui lui désobéissent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, par ce rappel, dans ce rappel contient ce qui fait frémir le cœur, encore une fois, que ce soit du tarhib ou du targhib. Que ce rappel rappelle la récompense ou qu'il rappelle le châtiment. Et mes chers frères, ce hadith, s'il prouve une chose, mes chers frères, ce sont les cœurs des compagnons, comme on vient de le dire, qui sont directement touchés et atteints par ce rappel. Et ceci se traduit par une crainte. Les cœurs ont craint et ont frémi vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala. Et quant au rappel, l'impact visible qu'il a eu, l'impact extérieur, c'est que les yeux des compagnons radiallahu ta'ala anhum ont versé des larmes. Donc ils ont pleuré par crainte d'Allah Jalla wa Ala suite à ce rappel qui a eu encore une fois un impact, qui a eu, comme l'a dit le shir, ta'thiran baliga, il a eu un grand impact d'une grande importance. Et ceci encore une fois, mes chers frères, s'il prouve une chose, il prouve que les cœurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des cœurs qui sont yani, très sensibles au rappel d'Allah jalla wa ala, et sont des cœurs qui sont craintifs vis-à-vis d'Allah jalla wa ala. Car ils étaient les compagnons dans leur intégralité, qu'Allah les agrée. Ils ressentaient et ils avaient beaucoup d'impact lorsqu'ils entendaient les exhortations, que ce soit des versets du livre d'Allah ou que ce soit une exhortation de la sunna, de la parole authentique du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils avaient des cœurs frémissants et par conséquent le cheikh il dit « Je demande à Allah jalla wa ala avec sincérité qu'il nous fasse de ceux dont les cœurs frémissent et qu'il nous fasse de ceux dont les cœurs craignent et qu'il nous fasse de ceux dont les cœurs ressentent cet impact lorsque une exhortation leur est faite. وقد وصف الله جل وعلا المؤمنين بوجل قلوبهم وذرف عيونهم عند ذكر الله جل وعلا فقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع فهذه من صفات الإيمان ومن صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا أي أن هذه الوصية تشبه موعظة المودع لذا فقد طلب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهم الحريصون على كل خير وصية جامعة يعهد بها إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمسكون بها ويعولون عليها لأن الوصية عند الوداع لها وقع في النفوس ولعل هذه الموعظة كان فيها ما يشعر بالتوديع لهذا طلبوا هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله هذه الوصية الأولى والوصية بتقوى الله جل وعلا هي وصية الله للأولين والآخرين قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما جاء في وصيته لمعاذ رضي الله تعالى عنه ولأبي سعيد رضي الله تعالى عنه في قول صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ووصيته صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد رضي الله تعالى عنه لما قال أوصني يا رسول الله، قال عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. ووصيته لأصحابه ولأمته جميعا، وتقوى الله جل وعلا أن تجعل بينك وبين سخط الله وغضبه وقاية تمنعك من عذاب الله جل وعلا، وهذا لا يتأتى إلا بالإيمان والعمل الصالح. والتقوى هي فعل المأمور وترك المحظور، وقد عرفها طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى بقوله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والتقوى عباد الله هي الإسلام، وهي الإيمان، وهي الإحسان، فهي كلمة جامعة لكل ما أمر الله به جل وعلا ونهى عنه. هذا معنى التقوى، وهي الغاية من العبادة. فإذا كانت الغاية والحكمة من خلق العباد هي عبادة الله جل وعلا، فإن تقوى الله جل وعلا هي الغاية من عبادة الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الغاية من عبادة الله جل وعلا هي التقوى. وللتقوى عباد الله ثمرات عظيمة وجليلة في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال جل وعلا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالتقوى هي سبب في تكفير الذنوب ومغفرتها، وهي سبب لكل خير. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ففي تقوى الله جل وعلا صلاح الأعمال في الدنيا، وفي تقوى الله جل وعلا مغفرة الذنوب، كما قال ربنا جل وعلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتقوى الله سبب لكل خير، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد رضي الله تعالى عنه عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. كل خير سبب تقوى الله جل وعلا. فلهذا عباد الله من أراد سعادة الدارين فعليه بتقوى الله جل وعلا، من أراد رضا الله فعليه أن يحقق تقوى الله جل وعلا. وأعلى مقامات التقوى ودرجاتها توحيد الله جل وعلا في عبادته، إفراد الله جل وعلا بعبادته. لا يخفى عليكم عباد الله أن أعظم مأمور أمر الله به جل وعلا وتوحيده سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لهذا خلق الله جل وعلا الخليقة، ومن أجل عبادة جل وعلا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأعظم مأمور به هو توحيد الله جل وعلا، وهو أعلى درجات التقوى، إفراد الله جل وعلا في ألوهيته، وإفراد الله جل وعلا في ربوبيته، وإفراد الله جل وعلا في أسماء وصفاته. فهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، خاصة توحيد الألوهية، وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وهذا التوحيد عباد الله هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وإذا قرأنا القرآن الكريم وجدنا أن الخصومة التي وقعت بين الأنبياء، بين الرسل وبين أقوامهم، نجدها في توحيد الله جل وعلا، في توحيد الألوهية. ما وقع بين نوح وقومه من خصومة كان في توحيد الألوهية، ما وقع بين صالح وقومه في توحيد الألوهية، وهكذا جميع الرسل جاءوا بهذا التوحيد، يدعون الناس إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن أعلى مقامات التقوى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، توحيد الله جل وعلا، وهو أعظم مأمور به، كما أن أعظم منهي عنه هو الشرك بالله جل وعلا، وهو ما يضاد التوحيد، ما يضاد التوحيد بالكلية، أو ما يضاد كمال التوحيد، يعني وهو الشرك الأصغر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، نبل الشيخ عبد الهادي كالله لبخزاب أدون كونتيني سون إكسبيكاسون لحديث العرباد النسارية. أن إكسبيكان ك الإمباكت كابيو أفوار دونك إيسي le rappel, la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les croyants, c'est le fait que les cœurs ont frémi et que les yeux ont pleuré, et tout cela face au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, à ce titre, Allah a dit dans son noble livre: les croyants sont seulement ceux qui, lorsque Allah est mentionné, leurs cœurs frémissent, et lorsque ces versets leur sont récités, cela fait accroître leur foi jusqu'à la fin du verset. Et également dans un autre verset: et lorsqu'il aurait récité ces versets, ou lorsqu'il aurait récité ce qui a été révélé aux messagers, tu vois leurs yeux fondre en larmes. Donc l'exhortation, elle a cet impact là et les compagnons, ils ont dit, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux: recommande-nous donc quelque chose. Et cela montre qu'ils étaient avides de savoir et qu'ils voulaient donc apprendre et connaître les différentes manifestations et les différentes formes de bien. Ils ont donc demandé une recommandation. Et le sens de leur requête, c'était qu'ils voulaient une recommandation à portée générale. Et c'est d'ailleurs donc pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a accordé ce qui va suivre. Il faut savoir donc ici qu'ils ont voulu cela de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du fait que les différentes recommandations qui peuvent être données lors des adieux ont un impact plus grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donc dit: je vous commande la crainte pieuse d'Allah, la taqwa. Il faut savoir que ce principe de taqwa, de crainte pieuse d'Allah ou de piété, c'est l'objet du commandement qui a été adressé aux premières et aux dernières générations. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: et nous avons certes commandé à ceux à qui le livre a été attribué avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre pieusement Allah. Et c'est également le commandement adressé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, comme on peut se rendre compte dans certains hadiths, notamment dans ce qui a été rapporté de Mu'ad ou d'Abu Sa'id. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour dit à Mu'ad, il lui a dit: crains pieusement Allah où que tu sois, et fais suivre la mauvaise action par une bonne action et elle l'effacera, et comporte-toi avec les gens d'une bonne manière. Concernant ce qui a été rapporté de Abu Sa'id, on retient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je te commande la crainte pieuse d'Allah, car elle réunit le bien sous toutes ses formes. La crainte pieuse d'Allah, la taqwa ou la piété, c'est le fait de placer entre soi, entre sa personne et le châtiment d'Allah, une barrière. Et cela ne peut se faire que par le biais de la foi et des œuvres pieuses. La taqwa, ça revient à accomplir ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné d'accomplir et à s'écarter de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de s'écarter. D'ailleurs, Talq ibn Habib a défini la taqwa, la crainte pieuse ou la piété, en disant que c'est que tu œuvres par obéissance à Allah, en te basant sur une lumière venant d'Allah et en recherchant par là la récompense d'Allah. Et que tu t'écartes de la désobéissance à Allah en te basant sur une lumière venant d'Allah et en ayant peur et en craignant le châtiment d'Allah. La crainte pieuse, la taqwa, la piété, ça englobe donc l'islam, la foi, l'iman, ainsi que l'excellence ou la bienfaisance, l'ihsan. Et c'est un terme générique qui englobe, comme nous avons pu le voir précédemment, le fait d'accomplir des choses et de s'écarter d'autres choses. Il faut savoir que c'est également le but à rechercher derrière le fait d'adorer exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala. À ce titre, Allah azza wa jal a dit dans son noble livre: ô gens, adorez exclusivement votre Seigneur souverain qui vous a créé et qui a créé ceux qui sont venus avant vous, afin que vous craigniez pieusement. Donc on se rend compte ici que le but à rechercher derrière le fait d'adorer exclusivement Allah, c'est le fait de concrétiser ce principe de taqwa, de crainte pieuse ou de piété. Et il faut savoir qu'il y a d'éminentes et de grandioses répercussions à récolter derrière le fait de faire preuve de crainte pieuse d'Allah subhanahu vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela donc est mentionné dans un certain nombre de versets coranique. On se rend compte dans certains versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que parmi les fruits à récolter derrière le fait de craindre pieusement Allah, il y a le fait qu'Allah donne une bonne issue aux choses de ceux qui craignent pieusement Allah. Également dans un autre verset: et quiconque craint pieusement Allah, Allah lui suffit. Ou encore dans un autre verset: Allah lui expie ses péchés et accroît sa récompense. La crainte pieuse d'Allah, la taqwa, la piété, c'est la source de tout bien. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô vous les gens, craignez pieusement Allah et proférez de bonnes paroles. Il réformera votre situation et vous pardonnera vos péchés, et quiconque aura obéi à Allah et au messager aura certes connu la grande réussite. Découle de la taqwa le fait que les actes vont être bons et saints et que les péchés vont être pardonnés. À ce titre, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la traduction approximative du sens de sa parole: et si les habitants des différentes contrées avaient eu la foi et avaient pieusement craint, nous leur aurions fait largesse de bénédictions venant du ciel et de la terre. Il faut savoir que la plus grande des manifestations de la crainte pieuse d'Allah, c'est l'exclusivité du culte, le fait d'unifier Allah, le tawhid. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent exclusivement. Et il faut savoir que c'est dans ce but qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers et qu'il a révélé les livres. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager afin de leur dire, adorez exclusivement Allah et écartez-vous du tarout. Le tarout, si on peut le traduire de manière brève et résumée et approximative, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et également dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et nous n'avons envoyé aucun messager avant toi sans lui ordonner de dire, craignez, adorez exclusivement Allah. Et il n'est pas un messager que nous ayons envoyé avant toi sans lui dire d'ordonner, d'adorer exclusivement Allah. Donc cela nous mène à ce principe de tawhid, d'unification d'Allah, d'exclusivité du culte. Et il faut savoir que le tawhid, il est de trois sortes. Il y a le fait d'affirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Il y a le fait d'affirmer l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Et le fait d'affirmer l'unicité d'Allah dans le droit exclusif d'être adoré. Et c'est d'ailleurs cette dernière branche du tawhid qui correspond au sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah qui signifie nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Et cela correspond donc à l'exclusivité du culte et au tawhid d'al-uluhiyya, à savoir donc le fait d'affirmer l'unicité d'Allah dans le droit exclusif qu'il a d'être adoré. Et c'est à ce sujet que les messagers ont divergé avec leur peuple. À ce titre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, nul, qu'ils attestent que la ilaha illallah, nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, jusqu'à la fin donc du hadith cité par le shaykh. Et également, ça a été le cas auparavant avec Nuh et son peuple. Ils ont divergé à propos de ce sujet-là, à savoir le droit exclusif que détient Allah d'être adoré. Ce fut également le cas de Salih avec son peuple, et ce fut le cas des restants des messagers. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La plus éminente des choses que j'ai prononcées moi ainsi que les messagers qui m'ont précédé, c'est que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, seul et sans associé, jusqu'à donc la fin du hadith. Le plus grand des commandements qui a été donné, c'est donc d'adorer exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala, de concrétiser le tawhid, l'affirmation de l'unicité. Et le plus grand des interdits édictés par Allah subhanahu wa ta'ala, il est relatif à ce qui vient s'opposer à cela, à savoir le polythéisme. Car le polythéisme, il vient s'opposer à l'affirmation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de manière totale ou partielle, car le polythéisme est de deux sortes. Il est un polythéisme qui est majeur et qui s'oppose de manière totale à l'affirmation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala au tawhid. Et il est un polythéisme qui est mineur et qui s'oppose quant à lui de manière partielle à l'affirmation de l'unicité d'Allah et au fait de lui vouer exclusivement le culte. قوله صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وهي وصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله جل وعلا وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور لما فيه من جمع الكلمة وفيه مصالح الدنيا والآخرة، مصالح الدين والدنيا. إذا اجتمعت الكلمة على إمام من أئمة المسلمين وقادهم فإن هذا يحصل فيه الخير كله، يحصل فيه اجتماع الكلمة وعدم التفرقة، ويحصل فيه تنفيذ الحدود على العصاة، ويحصل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحصل فيه الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقطع النزاع، ويحصل الأمن على الأنفس والأموال والأعراض، فيحصل فيه خير كثير. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله جل وعلا. وهذا الأصل كما ذكرت أنه أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ولهذا قل أن تجد كتابا من كتب العقيدة لعلماء السنة إلا وقد نص على هذا الأصل العظيم الذي به يستقيم الدين والدنيا. وقد دل على هذا الأصل العظيم قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم الحكام والعلماء، كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. السمع والطاعة لولاة الأمور وهم الحكام والعلماء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقول صلى الله عليه وسلم لا سمع ولا طاعة يعني فيما أمر به من المعصية فقط. فإذا أمره مثلا أن يرابي أو أن يزني أو أن يقتل نفسا محرمة بغير حق ونحو ذلك، وجب أن يعصى أمره في ذلك ولا يمتثل. ويفهم من هذا عباد الله كما يفهمه البعض أنه إذا أمر بمعصية أنه يعصى مطلقا ولا يطاع. ليس هذا المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم فلا سمع ولا طاعة في المعصية فقط. ونفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية فلا يسمع له مطلقا في كل أوامره، بل يسمع له ويطاع مطلقا إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآثرة عليك. وفي لفظ: وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. وقد خالف في هذا الأصل العظيم أخوتي في الله أهل البدع والأهواء من الخوارج والمعتزلة والروافض، وما يحصل اليوم من فتن ومحن، وما تعانيه كثير من الدول من هذه التفجيرات والتدميرات، سببه هو البعد عن هذا الأصل العظيم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به في هذه الوصية الغالية. ونلاحظ هنا في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عطف السمع والطاعة، عطفها على تقوى الله جل وعلا، وهذا كما يقال من باب تعقيد من باب عطف خاص على العام كما في قول جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فقد عطف الله جل وعلا جبريل وميكائيل على الملائكة والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإن كان السمع والطاعة لولاة الأمور من تقوى الله جل وعلا، إنما ذكره الله صلى الله عليه وسلم وخصصه بعينه لتعلم أهمية هذا الأصل العظيم الذي فرط فيه كثير من الناس، والله المستعان. فالسمع والطاعة لولاة الأمور أصل عظيم، وإياكم وإياكم أن تسمعوا لهؤلاء الأوباش، لهؤلاء الأقزام الذين انحرفوا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خوارج ومن كان على شاكلتهم، والله المستعان. بارك الله. Donc on poursuit dans cette troisième partie où le cheikh qu'Allah le préserve commence par prendre la parole en disant la chose suivante. Donc en poursuivant dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il dit « وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَ » dans cette même exhortation où il enjoint l'écoute et l'obéissance au gouverneur qui détient l'autorité. « السَّمْعُ وَالطَّاعَ » Et le prophète alayhi salatu wassalam il dit ensuite dans le sens de sa parole « même si se rebelle contre vous un esclave ». Et sachez mes chers frères que le fait d'enjoigner à quelqu'un l'écoute et l'obéissance au gouverneur, c'est une grande base, c'est une très grande base parmi les bases des gens de la sunna et du consensus. Ceci fait partie intégrante de la voie de nos pieux prédécesseurs, qu'Allah les agrée dans leur intégralité. L'écoute et l'obéissance au gouverneur. Et on va définir dans quel condition doit être cette écoute et cette obéissance. Et au contraire, s'il y a. L'écoute et l'obéissance au gouverneur, pourquoi ? Pour ce qu'elle détient comme conséquence positive et pour tout le bien qu'elle détient, à commencer par le bien dans ce bas monde et le bien dans l'au-delà. Et le bien aussi dans la religion, Masalihuddin. Et parmi ces biens, il y a ijtima'ul kalima, il y a le fait que les gens soient unis dans leurs paroles. Qu'ils soient unis dans leurs paroles et qu'ils soient derrière un imam et un guide parmi les imams des musulmans. Et quand la situation est telle, subhanallah al-azim, il y a beaucoup de bienfaits qui en résultent par la suite. Premièrement, ijtima'ul kalima, la parole réunie. Et par conséquent donc, la non-division. Et il y a aussi donc un autre bien qui est l'application des peines sur les transgresseurs et les pécheurs. Il y a aussi un autre bien qui est le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, ce que l'on appelle « al-amru bil-ma'arufi wa-nahyu anil-munkar ». Et il y a aussi « taq'u al-nizar », il y a aussi le fait que toute divergence est dissipée, la dissipation et la disparition des divergences et des contradictions les uns avec les autres. Et il y a aussi un autre grand bienfait qu'Allah Jalla wa Ala a cité, c'est la sécurité, le bienfait de Al-Amn. Ce bienfait-là de la sécurité aussi résulte de l'obéissance et de l'écoute au gouverneur. Et la sécurité de manière générale, et particulièrement la sécurité des gens, des personnes, la sécurité de leurs biens, de leur argent, et la sécurité de leur honneur. Et donc il y a beaucoup de biens qui résultent de l'obéissance et de l'écoute au gouverneur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint. Et il y a un détail dans cet ordre du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que l'obéissance et l'écoute au gouverneur doit être dans ce qu'Allah ordonne. As-sam'u wa ta'a fi ghayri ma'siyatillah, comme l'a dit le cheikh, fi ghayri ma'siyatillah jalla wa ala. Donc l'écoute et l'obéissance au gouverneur, oui, excepté dans ce qu'Allah interdit. Et il y a aussi un détail de taille à cet alinéa-là. Le fait de désobéir au gouverneur dans ce qu'Allah interdit. Et comme on l'a dit, comme l'a dit le cheikh, il le répète une deuxième fois, il dit, sachez encore une fois de plus que l'écoute et l'obéissance au gouverneur, de manière générale, est une grande base parmi les bases qui ont fondé la voie de nos pieux prédécesseurs. Et c'est pour cela d'ailleurs, mes chers frères et mes chères sœurs, que vous ne trouverez pas, ou que vous trouverez très peu de livres qui font partie des gens de la sunna et du consensus. Rares sont les livres de la bonne croyance et de la bonne aqidah qui n'évoquent pas cette base-là. La majorité des livres de Ahl Sunnah wal Jama'ah, ils évoquent cette base primordiale qui est l'écoute et l'obéissance au gouverneur dans ce qu'Allah ordonne. Et encore une fois, c'est par l'écoute et l'obéissance au gouverneur que la religion et que la vie mondaine, de manière générale, devient droite et devient ordonnée. Et sachez, mes chers frères et mes chères sœurs, que ce qui prouve les premières preuves dans les textes religieux de cet ordre-là, de l'écoute et de l'obéissance au gouverneur, émane tout d'abord du livre d'Allah, Jalla wa Ala. Allah, il dit en ce sens, il dit dans le verset que vous connaissez certainement tous, « Ya ayyuha alladhina amanu ati'u allaha wa ati'u rasoola wa ulil amri minkum. » Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son messager et obéissez aux gouverneurs et aux savants et aux hommes de science parmi vous. Donc, ulul amri dans le tafsir des savants, et plus particulièrement comme l'a démontré Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'exégèse de ce verset-là, à la fin du verset, ulul amr, ce sont les gouverneurs à la fois et les hommes de science. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son messager et aux hommes de science et aux gouverneurs parmi vous. Donc ça, c'est un verset parmi les versets d'Allah Jalla wa Ala qui prouve l'ordre de l'obéissance et de l'écoute au gouverneur. Ça, c'est en ce qui concerne le Coran al-Karim. Et en ce qui concerne la sunna authentique, parmi les nombreux hadiths, il y a celui-ci où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens, il dit incombe au serviteur d'Allah l'écoute et l'obéissance au gouverneur, dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Du moment que c'est Allah Jalla wa Ala ordonne, il faut obéir au gouverneur dans ce que nous aimons et dans ce que nous détestons. Fima ahabba wa karih, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Illa an yu'mara bi ma'siyatin. Obéissez au gouverneur dans ce qu'Allah ordonne, que vous aimiez ou détestiez cela, excepté si c'est une chose qu'Allah interdit. Excepté dans la désobéissance d'Allah. Dans la désobéissance d'Allah, si on nous ordonne et on nous donne un ordre qui va à l'encontre des ordres d'Allah, à ce moment-là, non seulement on ne doit pas, mais on ne doit pas désobéir, on ne doit pas obéir à cet ordre-là. Et il y a un autre hadith qui prouve cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le sens en réalité de ce hadith-là, la sam'a wa la ta'a fil ma'siyah, on ne doit pas obéir au gouverneur dans ce qu'Allah interdit, c'est seulement dans cet ordre-là qu'Allah Jalla wa Ala interdit. Si un gouverneur, par exemple, vous ordonne ce qu'Allah interdit, on doit lui désobéir seulement dans ce qu'Allah interdit. Mais dans le restant de ses ordres, dans les autres de ses ordres qu'Allah n'interdit pas, bien évidemment, il y a l'obligation de lui obéir. Si par exemple, il t'ordonne de commettre un péché parmi les péchés capitaux, que ce soit la fornication ou autre, ou le crime sans en avoir le droit, de tuer quelqu'un injustement, à ce moment-là, et tout ce qui est semblable à cela, les interdictions d'Allah Jalla wa Ala, mineurs ou majeurs, on doit lui désobéir, mais seulement dans ces ordres-là qui contredisent les ordres d'Allah Jalla wa Ala, encore une fois. On désobéit seulement dans les ordres du gouverneur qui vont à l'encontre des ordres d'Allah. Il ne faut surtout pas comprendre, mes chers frères, que si un gouverneur ordonne une seule fois dans sa vie quelque chose qu'Allah interdit, qu'on doit lui désobéir dans tout. Ça ne veut pas dire que le gouverneur, on doit lui désobéir dans toute chose. On doit lui désobéir seulement lorsqu'il ordonne ce qu'Allah interdit. Mais sinon, en dehors de cela, on lui doit l'obéissance. Et ce n'est pas ça le sens du hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, encore une fois. Ne comprenez pas que si le gouverneur ordonne une seule fois ce qu'Allah interdit, qu'il ne faut plus jamais lui obéir. Ce n'est pas ça le sens du hadith que nos savants du hadith ont démontré. Donc encore une fois, on lui obéit d'une obéissance sans reculer, on l'obéit à ses ordres sans les rejeter, excepté à ses ordres qui vont à l'encontre de ce qu'Allah Jalla wa Ala et son messager ordonnent. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit aussi alayka bis sam'i wa ta'a fi usrika wa yusrika, incombe ou t'incombe, alayka t'incombe l'obéissance et l'écoute du gouverneur dans ce qui t'est facile et dans ce qui t'est difficile, autrement dit dans l'aisance et dans la difficulté, fi manshatika wa makrahika, dans l'aisance et dans la difficulté. Et donc t'incombe l'obéissance à Allah Jalla wa Ala. Dans tout ce que Allah Jalla wa Ala ordonne, on doit obéir au gouverneur dans ce qui nous est facile et difficile, et non pas où, dans ce qui nous est aisé et dans ce qui nous est difficile, et dans tout le reste. Et fil afdhin, comme le cheikh l'a dit, wa in akalu malak wa darabu dhahrak, même si ils prennent tes biens, wa in akalu malak, même s'ils mangent et consomment tes biens et ton argent et frappe ton dos, même si on te prend tes biens et qu'on te frappe le dos, tu dois obéir au gouverneur même s'il est injuste envers toi, du moment qu'il t'ordonne ce qu'Allah ordonne, et tu dois lui désobéir seulement dans ce qu'Allah Azza wa Jal n'ordonne pas. Et subhanallah, cette base, ce asl, cette grande base, nombreux sont les sectes égarées qui se sont égarées de cette grande base qui fait partie parmi les bases, qui fait partie des bases de la voie de nos pieux prédécesseurs. Parmi ces sectes, il y a Al-Mu'tazila, il y a les Rafidites chiites, il y a Al-Khawarij, et toutes ces sectes qui leur sont semblables, qui ont pour point commun la rébellion contre le gouverneur. Et subhanallah al-Azim, nul ne peut contredire que ce que beaucoup d'États musulmans et non musulmans vivent aujourd'hui et subissent, surtout les États musulmans, qui résultent de Al-Khawarij et d'autres sectes qui leur sont semblables, la cause de cela, c'est la désobéissance au gouverneur musulman. Et dans tout ce qui arrive, et Cheikh dit particulièrement dans ces attentats que nous connaissons dans les pays musulmans et dans les attentats à la bombe, etc., la cause de tout cela, c'est la désobéissance au gouverneur. Et la cause de cela, c'est l'égarement et l'ignorance ou la mauvaise compréhension de cette base, parmi les bases de nos vieux prédécesseurs, qui est l'écoute et l'obéissance au gouverneur seulement dans ce qu'Allah ordonne. Et encore une fois, cette base est une exhortation et un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette exhortation-là, de ce hadith-là, cette exhortation valeureuse. Et nous constatons, mes chers frères, dans ce hadith authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni deux choses. Il a réuni l'ordre de l'écoute et de l'obéissance au gouverneur, et en même temps, il a réuni l'ordre de craindre Allah jalla wa ala, le taqwa. Malgré que l'écoute et l'obéissance du gouverneur fait partie du taqwa. L'écoute et l'obéissance du gouverneur fait partie du taqwa. Mais le prophète alayhi salatu wassalam les a cités les deux. Il a cité le taqwa qui est général et il a cité particulièrement l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Pourquoi ? Pour une raison qui est une règle chez nos savants, c'est « bab atful khassi ala al-am ». Ça c'est « min bab atful khassi ala al-am ». Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il cite le taqwa qui est général, qui comporte tout ce qu'Allah ordonne et aime, et en même temps il cite quelque chose de particulier? C'est pour souligner l'importance du particulier par rapport au général. C'est pour souligner l'importance du particulier par rapport à ce qui est général. Et il y a un très bon exemple dans le Coran al-Karim, et il y en a plusieurs. Allah Jalla wa Ala dit dans la sourate al-Baqarah, dans le sens du verset, quiconque est un ennemi d'Allah et de ses anges et de ses prophètes et de Jibril et de Mikael, alors certes Allah est l'ennemi des mécréants. Méditez bien sur le verset. Allah Jalla wa Ala a parlé des anges et ensuite il a cité Jibril alayhi salam, pourtant Jibril fait partie des anges, et ensuite il a cité Mikael alayhi salam, pourtant Mikael fait partie des anges. Allah Jalla wa Ala a cité les anges en général au début, ensuite il a cité Jibril alayhi salam, qui a la plus grande place auprès d'Allah Jalla wa Ala, vu qu'il est cité le premier, ensuite il a cité Mikael. Donc Allah Jalla wa Ala a souligné l'importance de ces deux anges par rapport aux anges tous entiers en général. Ça, c'est min bab ya'atfi al-khassi ala al-am, en ce qui concerne les anges dans ce verset-là. Malgré qu'ils font, que Jibril et Mikael font partie des anges, Allah a dit les anges, ensuite il a cité Jibril et Mikael, alayhim as-salam. Et donc ça, c'est une règle que les savants de l'exégèse ont évoquée. Ils ont dit c'est l'objectif et le but de cela, c'est de souligner le particulier par rapport au général. Pourquoi souligner le particulier? Pour démontrer son importance et son haut rang auprès d'Allah Jalla wa'ala. C'est pour cela, mes chers frères et mes chères sœurs, qu'il nous est clairement démontré dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ الْحَبَشِي. Encore une fois, dans ce hadith-là, il y a le fait de souligner le particulier par rapport au général. Le prophète alayhi salatu wasalam enjoint au début du hadith l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Ensuite il dit, même si un esclave se rebelle contre vous et qu'il devient votre gouverneur, il faut lui obéir dans ce qu'Allah Jalla wa'ala ordonne. Et cet ordre, en réalité, mes chers frères, le prophète alayhi salatu wasalam l'a évoqué. On a vu dans le Coran al-Karim cette règle, souligner l'importance du particulier par rapport au général. Et aussi dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wasalam, lui aussi, en prenant exemple sur le Coran al-Karim, a évoqué l'importance du particulier par rapport au général. Pourquoi? Pour que vous sachiez, serviteurs d'Allah, cette base de grande importance que beaucoup de gens ont délaissé ou ignoré ou dont ils se sont égarés. Wallahu al-musta'an. Et c'est à Allah seul que nous implorons et que nous demandons le secours. Et prenez garde, vous dit le shirk, Allah le préserve, prenez garde de suivre l'exemple de ces écervelés, prenez garde de suivre l'exemple de ces imbéciles qui se sont égarés de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les khawarij et toutes les autres sectes qui sont à leur exemple, qui ont pour point commun la rébellion contre le gouverneur et le fait de semer la haine dans le cœur des citoyens contre leur gouverneur. Et qu'Allah azza wa jalla nous préserve de cela. قوله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد. قد يقول قائل أو يسأل سائل, العبد لا يكون أهلا للخلافة وللإمامة, وقد أجمع على هذا علماء الأمة أن العبد ليس أهلا للخلافة أو للإمامة. وقد أجاب أهل العلم عن هذا بأجوبة متعددة, منها ما يحمل على أن هذا من باب المبالغة كما ذكر شيخنا العلامة محسن العباد حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث, قال ويحمل ما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه على المبالغة في لزوم السمع والطاعة. وإن كان عبدا, هذا المبالغة من باب المبالغة للسمع والطاعة لولاة الأمور, وإن كان هذا لا يقع السمع والطاعة وإن كان عبدا, وإن كان هذا لا يقع, وإنما هذا من باب المبالغة في لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان خليفة, وإن كان ذلك لا يقع أو أن ذلك يحمل على تولية الخليفة عبدا على قرية أو جماعة, أو أنه كان عند التولية حرا وأطلق عليه عبدا باعتبار ما كان عليه, أو على أن العبد تغلب على الناس وصارت له شوكة فيسمع ويطاع, يسمع بكلامه ويطاع لأوامره. وقول صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. ف فإنه لا ينطق عن الهوى، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه سيقع لا بد وأن يقع، كما في قول صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم لهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة الأخرى. وها نحن اليوم نرى الكاسيات العاريات، كم أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك. وقول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وقد وقع هذا الافتراق. وستفترق هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك. فكل ما أخبر به الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يقع. وفي هذا الحديث يدل على صدق صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أنه مرسل من الله جل وعلا، فهذا من دلائل نبوته، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمر يقع في المستقبل، وقد وقع هذا طبقا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الذين طالت أعمارهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أدركوا اختلافا كثيرا لما كان عليه الرسول وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وذلك بظهور بعض الفرق الضالة كالقدرية والخوارج والمرجئة وغيرهم من الفرق التي ظهرت في أمة الإسلام. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا ما يؤكده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد أنزل الله بكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجع إلى دينكم. ويؤكد قول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق وهذه المناهج التي يسميها شيخنا العلامة ربيع حفظه الله تعالى بالمناهج النارية، مناهج نارية لأنها تدعو أصحابها إلى النار وتدفع بهم إلى غضب الجبار جل وعلا، كلها في النار إلا واحدة. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا الاختلاف بازدياد إلى أن تقوم الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، وفي رواية: لا إله إلا الله. وليس المعنى من هذا الحديث بمعنى أن هذه الأمة أنها كلها تنحرف وتزيغ عن طريق الحق، لا يا عباد الله، بل قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذه البشارة العظمى، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية: حتى تقوم الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، وهم ظاهرين أي منصورين، بقول جل وعلا: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هذه الطائفة المنصورة الثابتة، لا يضرها من خالفها أو من خذلها، وهو الثبات. ولهذا على المؤمن أن يثبت على ما هو عليه من الحق. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهو الثبات حق بإذن الله. لا بد من الثبات يا عباد الله. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وكأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: وما المخرج من ذلك؟ فالرسول بيّن الداء: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء الذي نعاني منه اليوم. إذا ما المخرج؟ ما سبيل النجاة؟ فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته سبيل النجاة، بيّن لها الدواء. فقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا هو المخرج وهذا هو سبيل النجاة لمن أراد النجاة. عليكم بسنتي. السنة لغة هي الطريق، وسواء كانت محمودة أو مذمومة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا معنى السنة. وأما اصطلاح فلها عدة إطلاقات تطلق عند الفقهاء على ما دون الفرض. فيقال: غسل الوجه فرض، ورد مسح الرأس سنة، كما تطلق السنة أيضا عند الفقهاء على ما زاد على الفريضة من تطوع يكون هذا سنة. وتطلق السنة أيضا فيما يقابل البدعة، فيقال: هذا من أهل السنة وهذا من أهل البدعة. وتطلق عند الأصوليين على المصدر الثاني من مصادر التشريع، فمصادر التشريع التي أجمع عليها أئمة الإسلام الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أجمع على هذه الأصول الأئمة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وتطلق السنة عند أهل الأثر أي عند أهل الحديث على كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ولهذا يقول: سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقرية، سنة وصفية. السنة القولية كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قول فهو سنة قولية، وكل ما قام به صلى الله عليه وسلم وعمل به فهو سنة عملية. فالصلاة من السنة العملية، الحج من السنة العملية، الصيام من السنة العملية، السنة التقريرية ما فعله الصحابي وأقره النبي، أو قاله الصحابي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما السنة الوصية ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم سواء من الجهة الخلقية أو من الجهة الخلقية. من الجهة الخلقية كان صلى الله عليه وسلم كما ورد في صفة خلقته صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم. أما صفته الخلقية صلى الله عليه وسلم فقد كان خلق القرآن كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. وهنا أريد أن أنبه إلى أمر خطير، ما يقول الإخوان المفلسون إذا تكلموا عن مرشدهم الحسن البنا، يقول: كان قرآنا يمشي على الأرض، كان قرآنا يمشي على الأرض. بمعنى هذا أن القرآن مخلوقا. إذا كان القرآن يمشي على الأرض، بأن هذا من صفاته عن المخلوقات، الذي يمشي على الأرض هو المخلوق. وهذا من الجهل، فلا يقال كان القرآن يمشي على الأرض. حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال كان القرآن يمشي على الأرض، وإنما يقال كان خلقه القرآن، يمتثل بأمره وينتهي بنهيه ويتأدب بآدابه صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال فيه ربنا جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والسنة هنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقته، ما كان عليه رسول الله عقيدة ومنهجا وعبادة وسلوكا، وهي الإسلام. السنة بمعناها العام الشامل الإسلام، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتاب شرح السنة: السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. Avant donc de traduire donc ce passage du Cheikh, le frère Issa Jazahullah Khaira me demande donc d'apporter une rectification concernant un terme qu'il a pu utiliser, à savoir le terme Abbasite. C'était plutôt Abyssin, hein, en référence à l'Abyssinie, qui correspond à l'Éthiopie actuelle. Hein. Donc, dans la version du hadith, un esclave, hein, Abyssin, en référence à l'Abyssinie, qui correspond donc à l'Éthiopie actuelle. Qu'Allah récompense notre frère, Jazakallah Khaira. Le Cheikh Abdel Hadi, qu'Allah le préserve et le récompense, a donc continué son explication de ce hadith rapporté par Al-Irbad ibn Sariya, en revenant justement donc sur ce passage dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir donné ce commandement d'écouter et d'obéir, il a dit: même si celui qui vous gouverne est un esclave. Certaines personnes pourraient éventuellement émettre une objection en disant: comment cela alors que l'esclave n'est pas habilité pour être calife ou imam? Et il y a même une unanimité de la part des ulama de l'islam concernant ce sujet-là. Donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut-il me dire: même si celui qui vous gouverne, qui vous dirige, est un esclave, alors qu'à la base l'esclave n'est pas habilité à diriger, à être calife ou imam? Plusieurs réponses ont été données par les hommes de science. Il a été avancé qu'en vérité c'était là un procédé appelé l'emphase, comme l'a expliqué le noble cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, qu'Allah le préserve. En effet, il a dit dans son commentaire de ce hadith que cela correspond donc à un procédé d'emphase afin d'insister sur le caractère impératif de l'écoute et de l'obéissance. Donc même si en réalité cela n'est pas envisageable que le gouverneur soit un esclave, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela afin d'insister sur le caractère impératif de l'écoute et de l'obéissance. Autre réponse qui a été donnée, c'est que cela pourrait viser une gouvernance qui serait restreinte et non pas générale, qui serait restreinte par exemple à une contrée ou à une région, auquel cas donc il serait envisageable que se soit attribué à un esclave. Autre réponse qui a été donnée, c'est que cela pourrait éventuellement viser le gouverneur qui jadis était esclave et qui par la suite est devenu un homme libre. mais qui serait qualifié ici d'esclave en prenant en considération son état premier. Et enfin, notre réponse a été donnée, à savoir que cela peut viser le cas de figure où un esclave réussirait à s'emparer du pouvoir par la force. Et à ce moment-là, donc, si cela venait à être le cas et qu'il venait à s'emparer réellement du pouvoir, à ce moment-là, l'écoute et l'obéissance lui seraient dues, même si il est esclave. Suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, car celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Cette annonce-là de la part du messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, compte parmi les signes de sa prophétie. Sachant qu'il ne se prononçait pas sous l'emprise de la passion. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, et il ne se prononce pas sous l'emprise de la passion, c'est plutôt une révélation qui lui est faite. Et d'autres exemples sont à citer concernant cela. En effet, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux catégories de personnes que je n'ai toujours pas vues. Et ensuite, il a cité donc des hommes qui ont des fouets ressemblant à des queues de vache avec lesquelles ils flagellent les gens. Et des femmes à la fois habillées et dévêtues. Et cette chose-là, donc, comme nous pouvons tristement le constater, est avéré conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé. Également dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes et ma communauté va se diviser en 73 groupes. Tous sont en enfer sauf un. Jusqu'à donc la fin du hadith. Nous retrouvons donc ici une annonce qui a été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'est avérée, et cela compte parmi les signes de sa prophétie, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue. Et tout ce que le véridique et digne de foi, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a pu annoncer doit inéluctablement se dérouler conformément à ce qu'il a annoncé par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces nombreuses divergences annoncées dans ce hadith, celui rapporté par Al-Abad ibn Sariyah, sont effectivement apparues. Et parmi les compagnons qui ont vécu un certain temps après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en est qui ont pu constater cela. En effet, ils ont pu constater l'apparition de certains groupes égarés, parmi lesquels les Qadariya ou les Khawarij ou encore les Murji'a et d'autres groupes parmi les groupes égarés. Donc le prophète alayhi salatu wa salam avait dit, car celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Et on retrouve également cela dans un autre hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il a dit, lorsque vous aurez recours à Al-Ina. Al-Ina, c'est un procédé de vente qui relève de l'usure. Lorsque vous aurez recours à Al-In et que vous suivrez laborieusement les queues des vaches et que vous vous contenterez des plantations et que vous délaisserez le djihad dans la voie d'Allah, Allah fera s'abattre sur vous un état d'humiliation auquel il ne mettra un terme qu'à partir du moment où vous reviendrez à votre religion. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un hadith que nous avons eu l'occasion d'entendre précédemment, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, et ma communauté va se diviser en 73 groupes, tous sont en enfer sauf un. Ces différents groupes égarés sont autant de voies et de méthodologies différentes. Ces méthodologies qualifiées par le noble cheikh Rabia, qu'Allah le préserve, de méthodologie infernale, dans le sens où elle mène ceux qui les adoptent et les suivent vers le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et il faut savoir que ces divergences ne cessent d'augmenter et de s'accentuer et de s'accroître. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui a été rapporté de lui, l'heure, c'est-à-dire l'heure du jour dernier, ne surviendra que sur les pires des gens. لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله بارك الله فيكم وفي رواية لا إله إلا الله سبحانه ومسلم. Et donc dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure du jour dernier ne surviendra qu'à partir du moment où il ne restera plus personne qui dira Allah, Allah. Et dans une version, comme vient de nous en faire profiter le shir, La ilaha illallah, cette version qui a été rapportée par l'imam Muslim. Mais il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam a également annoncé la chose suivante. Ne cessera de subsister une faction secourue de ma communauté. Ceux qui s'opposent à eux et ceux qui les délaissent lâchement ne leur causeront aucun préjudice. Et ce jusqu'à ce que survienne l'ordre d'Allah. Cela donc nous incite et nous pousse à être fermes sur la vérité. C'est comme si, après cette annonce, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait questionné ce dernier, qu'Allah le couvre de l'âge et le salue, en lui disant quelle est donc l'issue face à ces nombreuses divergences. Et c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une miséricorde et un bienfait pour l'ensemble de l'humanité, en effet Allah subhanahu wa ta'ala a dit le concernant, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'ensemble de l'humanité. Il leur a dit, il vous incombe donc de vous attacher à ma sunna et à la sunna des califes, bien guidés après moi. Attachez-vous-y, cramponnez-vous-y et mordez-la à pleines dents, jusqu'à donc la fin du hadith. Il a donc ici ordonné de s'attacher et de se cramponner à la sunna. La sunna, dans son acception linguistique, ça désigne la voie, que cette voie soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit louable ou blâmable. Et dans ce sens-là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque instaure ou revivifie une bonne sunna aura sa récompense et la récompense de ceux qui mettront cela en application jusqu'au jour dernier, et ce sans que cela ne diminue en rien de leur récompense. Et celui qui instaure ou revivifie une mauvaise sunna, donc une mauvaise voie, non, il récoltera son péché et le péché de ceux qui l'auront suivi jusqu'au jour de la résurrection sans que cela ne diminue en rien à leur péché. Dans son sens terminologique, le terme sunna peut revêtir plusieurs sens. En effet, nous trouvons que les savants spécialistes du fiqh, les fuqaha, ils visent par l'utilisation du terme sunna ce qui n'a pas atteint le stade d'obligatoire. Et c'est ainsi qu'ils vont dire que telle chose est obligatoire et que telle autre chose est sunna, dans le sens où elle n'est pas obligatoire. Dans d'autres contextes, on peut trouver que le terme sunna, il vient s'opposer à l'innovation, la bid'a. On peut également se rendre compte que les spécialistes des fondements du fiqh définissent ou visent par l'utilisation du terme sunna la deuxième source religieuse, étant donné que les sources religieuses sont au nombre de quatre, le Coran, la sunna, l'unanimité, le consensus des savants, ainsi que l'analogie. Et ces quatre sources-là sont justement l'objet d'unanimité auprès des quatre écoles de fiqh. Et enfin, nous trouvons que les spécialistes du hadith, les savants spécialistes du hadith, définissent la sunna en disant que la sunna correspond aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses actes, à ses approbations, ainsi qu'aux descriptions qui en ont été faites, que ces descriptions-là soient physiques ou comportementales. Donc les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, également ses actes, ses approbations. On vise par approbation le fait qu'un compagnon dise ou dise une parole devant le prophète alayhi salatu wassalam ou accomplisse un acte devant lui et que le prophète alayhi salatu wassalam ne le corrige pas. Il a donc approuvé et cela fait donc partie de sa sunna. Quant aux descriptions, elles sont tantôt physiques et tantôt comportementales. En fait, dans la sunna al-taqririya, le shir rectifie le sens, et ce n'est pas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne rectifie pas le compagnon, c'est le fait qu'il se taise et son abstention signifie son agrément. Donc c'est une sunna d'abstention ou d'agrément De sorte que lorsque le compagnon dit ou fait quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voit faire et qu'il s'abstienne. Donc son abstinence, c'est un agrément. Mm-hmm. C'est ça que le chef voulait dire. Donc on corrige comme nous l'a justement donc corrigé le cheikh et comme a pu donc le traduire le frère Issa, et on n'utilise pas donc le terme corriger, mais on se contente plutôt donc de dire s'abstenir. Le fait que le prophète alayhi salat wa salam s'abstienne de se prononcer face à cet acte ou à cette parole du compagnon accompli ou proféré devant lui sallallahu alayhi wa sallam. Concernant donc les descriptions, elles sont tantôt physiques et tantôt comportementales. Il a, à titre d'exemple, été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam n'était ni excessivement grand ni excessivement petit, mais qu'il était plutôt d'une taille médiane, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue. Concernant la description comportementale qui en a été faite, il a été dit que son comportement c'était le Coran. Son comportement c'était le Coran. Et ici le shir attire notre attention vers un point très important, à savoir le fait qu'il n'est pas correct de dire comme les frères perdus ont pu le dire, les frères perdus, donc Al-Ikhwan al-Muflisoun, c'est un qualificatif, Al-Ikhwan al-Muslimoun, le groupe des frères musulmans, c'est un qualificatif qui leur a été donné, Al-Ikhwan al-Muflisoun, les frères perdus, avec à leur tête donc leur fondateur Hassan al-Banna, nous trouvons que ils disent, ou ils expriment cette chose-là, en disant que le prophète, alayhi salatu wassalam, était un Coran qui marchait sur terre. Cette parole-là n'est pas correcte et elle est mauvaise, car cela reviendrait à dire que le Coran est créé. Or, le Coran est incréé. Donc, ce qu'il convient de dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, c'était le Coran, dans le sens où il mettait en application les commandements contenus dans le Coran et qu'il s'écartait des interdits édictés dans le Coran. Le frère Issa donc apporte la précision. En réalité, il s'avère que donc les frères musulmans disent cela de leur fondateur, Hassan al-Banna. Et donc le shir a dit que même concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas correct de dire cette chose-là. Même concernant le prophète alayhi salatu wa sallam, il n'est pas correct de dire cette chose-là, car cela sous-entendrait ou impliquerait que le Coran serait créé. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, son comportement c'était le Coran, dans le sens où il accomplissait et mettait en application ce qu'il contient comme commandement et qu'il s'écartait des interdits édictés dans le Coran. Et le Allah subhanahu wa ta'ala a dit le concernant, et tu es certes doté d'un comportement éminent. Il faut savoir que dans ce hadith, le hadith al-Ibad al-Nasariya, le terme sunnah, il vise la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son sens large, en termes de dogme, en termes d'actes cultuels et en termes de comportement. Donc ici le terme sunna il est synonyme d'islam, et dans ce sens là l'imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit sachez que l'islam c'est la sunna et que la sunna c'est l'islam et qu'aucun des deux ne peut être effectif sans l'autre. قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. نلاحظ هنا في قول صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، مع أنه صلى الله عليه وسلم ذكر سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، ولم يقل عضوا عليهما، لتعلموا عباد الله أن الذي كان عليه أصحاب رسول الله هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلاف، فسنة الصحابة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تأكيدا لقول صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال من هي يا رسول؟ قال الجماعة. وفي رواية تزيد المعنى بيانا ووضوحا: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي عليه رسول الله هو الذي عليه صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهي سنة واحدة، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف التالية: أنهم راشدون. وقبل هذا أنهم خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله جل وعلا، هذا اختيار من الله جل وعلا لهم لخلافة نبي صلى الله عليه وآله وسلم وقادة الأمة بعد الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا اختيار من الله جل وعلا، الله جل وعلا هو الذي اختارهم أن يكونوا خلفاء لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة الأولى. الثانية: قال الراشدين من الرشد، وهو ضد الغي، فهم راشدون بخلاف أهل الغي والضلال. الثالثة: أنهم مهديين، جمع مهدي، وهو من هداه الله جل وعلا إلى الحق والصواب، لأن الله جل وعلا هداهم، وهذه شهادة من الله جل وعلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الخلفاء الراشدين. فلهذا من طعن في أصحاب رسول الله فهو يطعن في شهادة الله جل وعلا، ويطعن في تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، حيث قال صلوات ربي وسلامه عليه: خير الناس قرني، خير الناس قرني. هذه الرواية الثابتة. أما الرواية التي تقول خير القرون قرني، هذه الرواية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ثبت عنه خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه تزكية من رسول الله لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولهذا هؤلاء الرافضة الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بأنهم ارتدوا بعد رسول الله سوى نفر قليل، أبو ذر، عمار بن ياسر، المقداد، الحسن، الحسين، وأما البقية الباقية فقد ارتدوا عن رسول الله. وأهل البدع والأهواء في كل زمان ومكان يستدلون بآيات من كتاب الله وبأحاديث، لكن يؤولونها ويغيرونها ويحرفونها عن معانيها، فيستدلون على ردة الصحابة بقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من تفيد التبعيض، أي كلهم ارتدوا إلا القلة القليلة. وأيضا في حي الحوض أنه إذا أقبل الناس على ورود الحوض لشرب من الحوض يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقول لهم الملائكة: يعني لا تدري ما أحدثوا بعده، لا يزالوا مرتدين منذ أن فارقتهم. فيقول سحقا سحقا. في الرواية جاءت أصحابي، منهم أصحابي، قالوا هذا مما يدل على أن الصحابة قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزالوا مرتدين منذ أن فارقتهم. وهذا الحديث قال أهل العلم من ارتد من الأعراب، وفي المنافقين، وفي أهل البدع والأهواء. فأهل البدع والأهواء من الخوارج ومن معتزلة ومن رافضة، هؤلاء لا يريدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم، لأنه أنكروا الحوض وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونسمع اليوم ممن ينتسب الإسلام كالإخوان المفلسين يقول الرافضة إخواننا، إخواننا الرافضة إخواننا، إخواننا. الذي يقول في أمك عائشة زانية أخوك، الذي يقول في أبي بكر وفي عمر بأنهم طاغوتي قريش وجبتيهما، وفي كل صلاة يلعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة، ثم نقول إخواننا؟ هذا أمر عظيم وأمر خطير. الرافضة إخواننا الذين طعنوا في صحابة رسول الله وكفروه، بل طعنوا في الصديقة بنت الصديق الطاهرة التي المبرأة التي برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، يقول بأن مهديهم إذا خرج أول عمل يقوم به يقوم الحد على عائشة لأنها زانية، ويقوم الحد على أبي بكر وعلى عمر لأنهما اغتصبا الخلافة من علي رضي الله تعالى عنه. إذن هذه شهادة من الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف رضى الله عنهم وقد ارتدوا؟ كيف يرضى الله جل وعلا أن يدفن أبو بكر وأن يدفن عمر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتدوا عن دينه؟ أيعلم هذا ولا يعلم؟ أيعلم هذا الله ولا يعلم؟ إن قالوا يعلم فقد كفر. لماذا؟ لأنه لماذا لم يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيرتد؟ وإن قالوا أن الله لا يعلم فقد كفروا. فالله رضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد رضي الله عنهم. الصحابة كلهم عدول، زكاهم الله جل وعلا بقوله والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، بعد أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته والاعتصام بها وسنة الخلفاء الراشدين، حذرنا من أمر خطير. أتدرون ما هو؟ إنها محدثات الأمور، إنها البدع. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. تحذير يعقبه تحذير يعقبه تحذير لبيان خطورة البدعة. ولهذا قال من قال من علماء السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن صاحب البدعة قل أن يتوب من بدعته، قل أن يتوب. من بدعته، وإذا تاب من هذه البدعة انتقل إلى بدعة أخرى، إلى بدعة أعظم، كما فعل أولئك الذين كانوا يسبحون بالحصى، سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة، كانوا هم الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى من بدعة إلى بدعة. وهكذا أهل الأهواء والبدع قل أن يتوب، بخلاف صاحب المعصية فإنه يتوب. هل وجدتم أحد يتقرب بمعصية من المعاصي لله جل وعلا؟ صاحب المعصية يتقرب إلى الله يزني ويقول الله متقبل مني، أو يصرخ ويقول الله متقبل مني. المبتدع هو الذي يدعو الله جل وعلا أن يتقبل منه، لأن يعتقد أن هذه البدعة من القربات ومن الطاعات التي تقربه إلى الله جل وعلا. فحذرنا النبي من البدع، قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا رد على من يقول بأن هناك بدع حسنة. لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكلمة كل تفيد العموم. أهل البدع يستدلون ببعض الأحاديث ويلبسون على العامة، يقول يوجد في الإسلام بدعة حسنة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا مما يدل على أن هناك بدعة حسنة، بدعة حسنة. هل هذا الحديث يدل على تحسين البدع وعلى الإحداث والاختراع في الدين؟ أبدا، لأن الحديث له قصة جاءت في صحيح مسلم وغيره عن جرير بن عبد الله. جاء قوم من مضر اشتد بهم الفقر والاحتياج، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس، وقال صلى الله عليه وسلم تصدق رجل من مره، من طعامه، من تمره، من، وإذا بصحابي أتى بسرة كادت أن تميل فيها كفر بل قد مات عجز عن حمله، فسر النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر وتهلل وجهه، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أي من أحيى سنة وعمل بما ورد في الشرع. هل الصدقة بدعة حتى يقال بأن هذا الحديث يدل على تحسين البدعة؟ ثم أيضا لو كان هذا الحديث يعني تحسين البدعة لكان هناك تناقضا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، وحاشا أن يكون في كلامه صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك تناقض. فهذا له معنى وهذا له معنى. ثم لما تقول هذه بدعة حسنة، من الذي حسنها؟ من الذي حسنها؟ حسنها الشرع أم حسنت أنت؟ إن حسنها الشرع فليست ببدعة، إن حسنتها أنت فليس لك الحق أن تحسن، فإذا حسنت فقد شرعت للناس. ولهذا المبتدع يقول بلسان حالي أو مقالي أن الدين لم يكمل، أن الدين ناقص، فهو مكذب لقول جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن استدلالاتهم بهذا الحديث من سل في الإسلام سنة حسنة. وأيضا من استدلالاتهم على تحسين البدع ما ورد في صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال نعمة البدعة هذه في صلاة التراويح، يعني صلاة التراويح. قال ما يدل على انه يوجد بدعة حسنة قول عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هذه. وهل صلاة التراويح بدعة؟ وهل صلاة التراويح بدعة؟ صلاة التراويح ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله، بقوله وفعله. أما قوله فقد جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما فعله صلوات ربي وسلامه عليه فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثة، وكان الصحابة يصلونها وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن الصلاة فلو التراويح ليست بدعة. ولكن ما معنى قول عمر نعمة البدعة هذه؟ يعني البدعة اللغوية للبدعة الشرعية. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب الماتع جامع العلوم والحكم وأن ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية للشرعية. والبدعة كما عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي أن تشابه الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل وعلا. إذن ما هي البدعة؟ ما أحدث في الدين. وبهذا التعريف تخرج البدعة اللغوية وتخرج البدعة الدنيوية. لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكبرات الصوت، لم يكن في عهد رسول الله السيارات، لم يكن في عهد رسول الله الطائرات. فهل يحتج بما يوجد اليوم من هذه الاكتشافات والاختراعات على الاستدلال بتحسين البدع؟ نقول هذه بدعة دنيوية، هذه من المصالح، هذه مما ينتفع بها الناس في دنياهم وإن لم تكن على هدي رسول الله. والفرق بين هذه البدعة الدنيوية والبدعة الدينية لأن البدعة الدينية يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا بخلاف البدعة الدنيوية لا تقرب بها الله جل وعلا. أنت لما تركب سيارة هوندا أو تركب سيارة مرسيدس تتقرب بها الله جل وعلا؟ لما أتكلم الآن في هذا المكبر صوت أتقرب به الله جل وعلا؟ هذا وسيلة لتوصيل الصوت إلى مكان بعيد. أنا ما تقربت ولا تقربت أنت بالسيارة أو المرسيدس أو الطائرة، إنما هذه وسيلة من وسائل الركوب. فلا يقال بأن هذه بدعة. نعم هي بدعة لكنها بدعة دنيوية وليست بدعة دينية، لأن البدعة يقصد بها المبالغة في التعبد لله جل وعلا. الذي يحتفل بالمولد النبوي ماذا يقصد من ذلك؟ الذي يحتفل بالمولد النبوي ماذا يقصد من وراء ذلك؟ التقرب إلى الله جل وعلا، لأنه يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي دفعه إلى هذا، يتقرب إلى الله جل وعلا ويدعو الله جل وعلا أن يتقبل منه. الذي يسبح مثلا 1000 تسبيحة يقصد به 1000 تسبيحة ولكن ليس بالطريقة التي نحن نسبح بها التي دلت عليه السنة، يسبح أو يذكر ويهتز ويرقص، هذه كيفية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبدع ليست كلها في مرتبة واحدة ولا في درجة واحدة كما قرر أهل العلم، البدع تختلف. هناك البدعة الكفرية التي تخلي صاحبها عن الإيمان مرتد عن دين الله جل وعلا، كبدعة وحدة الوجود وبدعة الحلول. وبدعة التعطيل لأسماء الله جل وعلا وصفاته بدعة الجهمية. وهناك بدعة مفسقة دون البدعة الكفرية أو البدعة الشركية كالاحتفال بالمولد النبوي وما أشبه ذلك من البدع. هناك بدعة إضافية وهناك بدعة حقيقية، وهناك بدعة قولية وهناك بدعة اعتقادية. البدعة الإضافية هي التي لها أصل من جهة في الدين، أصل لها أصل من جهة في الدين، أما الكيفية لم تثبت ولم ترد في الشرع، كقراءة القرآن جماعة. لا شك أن قراءة القرآن جماعة ثابتة وقربة وطاعة، قراءة القرآن طاعة وقربة إلى الله جل وعلا، ولكن قراءة القرآن جماعة هذه البدعة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن مع أصحابه يعني جماعة وبصوت واحد. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري اقرأ علي اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. ولما سمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن ويرتله قال قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ما كان الرسول يجتمع هو أصحابه كما يفعل بعض الصوفية، يذكر الله جل وعلا وعند ذكرهم يهتزون، الله الله ويهتزون عند ذكرهم ويقول، قال الله جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله الله يهتز؟ هذه من محدثات من البدع الإضافية. أما البدعة الحقيقية فهي البدعة التي لا أصل لها، التي لا أصل لها. وأقف عند هذا الحد لضيق الوقت، وإن كان الحديث يحتاج إلى ساعات وساعات، لكن في هذا كفاية. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير يا شيخنا. شيخ قبل أن إن شاء الله تعالى عندي كلمة قبل أن تغادروا المكان، قبل أن ننهي إني أود أن أدعو الله جل وعلا أن يتقبل من شيخنا هذه الجهود، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه، كما أسأله سبحانه أن يوفق الأخ الفاضل أخونا رشيد لمقدمته القيمة، وأسأله سبحانه وتعالى كذلك أن يوفق الأخ بجانبي والأخ عبد الرحمن، وفقه الله تعالى مع أنه مريض أتى والحمد لله لرغبة الشيخ، تلبية لرغبة الشيخ، وترجم هذه المحاضرة. وأستسمح للشيخ وأعتذر له أمام الجميع لأنني يعني حيث خسرت في شأنه البارحة يعني نسيتكم في المقدمة. لا يضر لا يضر. معذور ولا لا شيء؟ معذور. الحمد لله خلاص بارك الله فيك. أيوة. حفظكم الله. إذا جد خديو أبو كل الشيخ بارت جواك الله جل وعلا لأن بقيت في ذهني. أبو كل الشيخ بارت إن شاء الله تعالى. J'invoque Allah Azza wa Jal pour qu'il accepte de lui. Comme vous le savez, il habite à Marseille et il est là une semaine sur deux, quasiment toute l'année. Jazakallahu khayra. Malgré yani, le diabète et malgré tout ce qu'il a, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il lui a donné assez de santé, alhamdulillah. Et le cheikh, il utilise sa santé dans la da'wah, il est avec nous. Pour ceux qui veulent yani, venir à Besançon, savoir quand le cheikh est là, contactez les frères du Markaz Dar al-Hadith et soyez présents dans le Markaz Dar al-Hadith, dans les dorous que le cheikh yuqaddimu wa hafidhahu Allah, que le cheikh nous présente. Donc j'invoque Allah Azza wa Jal en sa faveur. Et en dehors de cette conférence, nous avons l'habitude de le voir très souvent, il voyage beaucoup à Besançon et en dehors, tout cela pour l'exhortation à Allah Azza wa Jal. Et il convient de reconnaître cette ni'ma et de profiter de ce bienfait. Et j'invoque Allah aussi Azza wa Jal, j'invoque Allah en faveur de notre frère Rachid, qui, alhamdulillah, nous a beaucoup été utile avant la venue de Cheikh ici. Et je demande à Allah qu'il le préserve et qu'il fasse qu'il nous soit toujours utile à lui et à tout le monde. Et pour la présentation qu'il a faite pour cette conférence. Et je remercie aussi et j'invoque Allah en faveur de mon frère qui est à ma gauche, le frère Abdelrahman Kolo, qui a fait à la demande du Cheikh, qui est venu seulement à la demande du Cheikh, traduire, malgré qu'il a yani, des douleurs au niveau de la gorge, il a fait l'effort de traduction. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin qui nous a facilité cette rencontre et qu'Allah Jalla wa Ala nous permette d'en organiser d'autres. Et j'invoque Allah Azza wa Jal finalement et dernièrement en faveur des frères qui ont des frères et des sœurs qui ont participé à cette conférence, à son organisation, à sa mise en œuvre, qu'Allah les récompense et qu'Allah fasse que toutes leurs actions lui soient vouées à sa face exclusivement, subhanahu wa ta'ala. عندي تنبيه هذا وجهه للاخوات وللسر الاخوات يجب ان يتادبن ويتخلقن باخلاق الاسلام. ليس بمعنى أن الأخت إذا تجلببت وتحجبت خلاص قد جاوزت القنطرة، يعني تحسب نفسها بأنها خلاص. بعض الأخوات قد يأتينا وهن متبرجات، قد يأتينا ربما لأول مرة، وقد يحدث منهن يعني بعض المخالفات. البارح أخت مثلا اتصلت عليها أمها يعني فأردت يعني أردت على الهاتف، فكلهم نظروا إليها نظرة يعني إيه احتقار وازدراء، حتى أنها هربت خرجت وراحت، وكانوا سببا يعني في تفويت الخير عنها، كانوا سببا. فلهذا معليش ما يعني متبرجة، بلاك بتات الله جل وعلا يهديها تسمع كلمة. وكم من أناس والله الذي لا إله غيره، أحكي لكم حكاية. ذات مرة جاء الإنسان إلى المسجد، جاء وأخذ من المسجد يبحث فين الشيخ فين الإمام فين كذا. فقلت يا أخي لماذا لا تدخل تصلي أنت معنا؟ قال لي أنا لا أصلي. بما لا تصلي؟ قال عليها جنابة. أنا مجنب جناب. قلت خلاص يا سيدي، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ادخل تيمم. فدخل تيمم وصلى ودعا له الأخ قلت ادعوا لأخيكم بالهداية، فقالوا اللهم اهديه، فتاب الله عليه، تاب الله عليه وهداه. فبعدها اعتمر، وبعدما عاد من العمرة انتقل إلى رحمة الله، انتقل مات، لم يعني بعد العمرة أيام قلع مات بعدها. وبحمد الله جل وعلا جاء إلى المسجد يبحث عن الإمام فين الإمام. فلهذا أخوتاه أخوات أو الأخوة، عندما يأتي إنسان يعني مثلا تارك الصلاة خلوه يجلس يسمع حاليا، معليش خليه يسمع، ربما يسمع كلمة تؤثر فيه تكون سببا في هدايته وعودته إلى الله جل وعلا وإنابته. وكذلك الأخوات، مش بمعنى أنت عم تنزل باب وأنت. الرسول قال في الخوالي ماذا قال فيهم؟ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، لا تغتر بالمظهر كثيرا. وقال في ذلك الصحابي الذي جاء إلى النبي وهو سكران، فأخذ الصحابة يلعنونه، فقال لا تعينوا الشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ها المنهج ما تغتر بك كثرة الصلاة وتغتر بقميص ونحو ذلك ولحية طويلة يعني ها الخوارج يعني تقرحت جباههم من كثرة السجود ولكن كما قال الإمام الأجري في كتاب الشريعة وليس بنافع لهم صلوا ولا صاموا أو زكوا فليس بنافع لهم. قد أجمع أهل العلم على أنهم يعني أرجاس وأنهم أنجاس. فبارك الله فيكم انتبهوا إلى هذا الأمر خاصة الأخوات الأخوات الأخوات سرتوا للسأل سرتوا للسأل ترادوين مفرسة فراس بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh avant de s'en aller, qu'Allah le préserve, il a dit une dernière parole très importante, il a dit « Je m'adresse à ceux qui ont les bases en connaissance en religion, ceux qui suivent la sunna, aux frères et particulièrement aux sœurs. » Il a dit « Faites preuve de bon comportement mes sœurs, parce qu'il vous arrive très souvent et notamment hier, sans pointer du doigt bien évidemment toutes les sœurs qui étaient présentes hier, mais il est arrivé à une partie d'entre elles d'avoir un très mauvais comportement avec une femme qui était venue pour écouter la conférence, qui était non voilée. Et cette femme-là, lorsqu'elle est venue pour écouter la conférence, sa maman l'a appelée pendant la conférence. Et donc cette sœur, ne sachant pas le respect de l'écoute à celui qui appelle à l'exhortation, celui qui appelle à Allah, le respect quand on écoute quelqu'un qui appelle à l'exhortation, du moment qu'on se présente et qu'on s'assoit dans l'assemblée, on ne doit plus parler et on ne doit plus la quitter sans raison. Donc ne sachant pas cela, Al-Muhim, cette femme a répondu au téléphone sans savoir. Et le cheikh a évoqué que beaucoup d'entre les sœurs voilées, les sœurs qui suivent la sunna, l'ont regardé d'un mauvais regard et l'ont regardé, comme on dit l'expression familièrement, elles l'ont regardé un peu de travers et elles lui ont fait savoir que ce n'était pas correct de faire cela, mais elles lui ont fait savoir de la pire des manières, non de la meilleure des manières. Et il a résulté de cela, malheureusement, subhanallah, que cette femme, étant gênée de ce qu'elle a fait, elle s'est levée et elle a quitté la conférence, alors qu'il se peut qu'Allah jalla wa'ala, le cheikh, il aurait peut-être été le sabab de sa guidance. Il se peut qu'il y avait un bien, et il y a certainement un bien dans toutes les conférences islamiques, il y avait un bien pour elle, mais par la cause de ce mauvais comportement et à cause de ces sœurs-là qui ont eu ce comportement avec elle, qui l'ont repoussé, qui ont été la cause pour laquelle elle a fui carrément, elle a fui la conférence, à cause de cela malheureusement, ces sœurs-là l'ont privée. Et parmi les plus grands bienfaits d'Allah Azza wa Jal et les plus grands bienfait d'Allah, c'est d'écouter à propos de lui et d'écouter à propos de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit, prenez garde mes chères sœurs, alhamdulillah, vous portez l'obligation, vous portez le voile et votre apparence, ça se voit lorsqu'on vous voit, votre apparence est l'apparence d'une musulmane, mais cela ne veut en aucun cas dire que vous êtes parfaites et que vous avez toutes un bon comportement et que vous êtes toutes des exemples. Et donc prenez garde à cela mes chères sœurs. Le cheikh il ne dit pas que l'apparence elle n'est pas importante, bien évidemment. Mais il dit, prenez garde, mes chères sœurs, à ne pas faire fuir les gens qui ne savent pas et en plus qui veulent savoir. Donc il faut faire preuve de miséricorde envers celui qui ne sait pas, et plus particulièrement celui qui ne sait pas et qui demande à savoir. Et cette femme-là, elle a une autre intention qu'en venant ici, elle a eu d'autres intentions que de vouloir se renseigner sur la religion d'Allah. On invoque Allah Azza wa Jal malgré tout en sa faveur. Allah Azza wa Jal est certes de toutes choses capables, il peut la guider bien évidemment. Qu'Allah la guide et qu'Allah lui donne d'autres occasions d'écouter à propos de sa religion. Et les sœurs, vu qu'elles m'entendent, alhamdulillah, les sœurs concernées seulement, encore une fois on ne généralise pas, repentez-vous à Allah Azza wa Jal de ce que vous avez fait et sachez que la moindre chose en islam, le moindre regard, la moindre parole peut soit peser pour vous en votre faveur ou soit contre vous. Donc faites très attention. Et le cheikh il dit, je m'adresse aussi aux frères, même s'ils portent la barbe, même s'ils ont une longue barbe, même s'ils ont un qamis, ce qu'on appelle en français la djellaba, le qamis, même s'ils ont l'apparence du musulman, alhamdulillah, et encore une fois, l'apparence n'est pas négligeable, la barbe est obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enjoint dans de nombreux hadiths, même s'ils ont cette apparence-là, l'apparence correcte du musulman, ils ne doivent pas croire qu'ils sont infaillibles et qu'ils ne sont pas à l'abri de commettre des erreurs. Donc, surtout les frères qui ont la sunna apparente, et surtout les sœurs qui ont la sunna apparente, surtout ceux de qui on voit immédiatement au premier regard qu'ils sont musulmans. C'est surtout à cela, même aux autres d'ailleurs, mais surtout à cela qu'incombe de donner le bon exemple à chaque parole et à chaque action. Et le cheikh il dit, je vais vous raconter une histoire, Inch'Allah ta'ala, il y a aucun mal à raconter cette histoire qui est arrivée dans la mosquée au 13e arrondissement de Marseille, sur le boulevard national, la mosquée de Cheikh Abdel Hadi, hafidhahullah, la mosquée Masjid al-Sunnah, la mosquée de la Sunna. Un homme un jour est venu et il s'est arrêté devant la mosquée, mais il n'est pas rentré prier lorsque l'appel à la prière a retenti. Et le Cheikh, en entrant à la mosquée, il a vu qu'il était hésitant, il a vu qu'il était à l'arrêt. Il lui a dit, Cheikh, avec une bonne main, il a dit, entre donc avec nous prier. Pourquoi n'entres-tu pas avec nous prier? Cet homme, il a répondu, je ne peux pas, Cheikh. Et Cheikh lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, je suis en état de janab. Je suis en état d'impureté, comme vous le savez, l'impureté, il y a la majeure et la mineure. Il a dit, je suis en état d'impureté majeure. Je ne peux pas, donc il faut que je fasse le ghusl, que je lave mon corps tout entier, afin de pouvoir prier. Et ça, c'est l'obligation. Si on trouve l'eau. Et le Cheikh lui a dit, alhamdulillah, comme dans la sourate An-Nisa, si vous ne trouvez pas d'eau, que tu es dans une situation où la prière est arrivée et que tu es loin de Shuja, tu n'as pas trouvé d'eau, est-ce que tu laisses le temps de la prière passer ou est-ce que tu pries? Cheikh, il lui dit non, Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, il t'a donné une facilité. Il a dit dans la sourate les femmes, et si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum. Faites le tayammum. Va faire le tayammum, rentre à l'intérieur de la mosquée, essuie-toi les mains et le visage, frotte-toi un simple frottement des mains et du visage avec une pierre ou avec de la terre ou avec de l'argile et prie avec nous. Et l'homme, alhamdulillah, il a pris le conseil de Cheikh. Il est rentré à la mosquée. Il a fait le tayammum. Vu qu'il ne pouvait pas faire l'ablution complète, la grande douche, il a fait le tayammum, l'ablution sèche. Et il est rentré, il a prié avec les fidèles de la mosquée Sunna. Ensuite, à force et à force de prier, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla, il a ouvert sa poitrine à l'islam. Et il a eu l'intention de faire le petit pèlerinage, la Umrah. Donc il est parti faire le petit pèlerinage à la Mecque. Et le Cheikh dit, lorsqu'il est revenu de son pèlerinage, moins d'une semaine après, Allah Azza wa Jal a pris son âme et il est décédé. Et imaginez-vous, subhanallah, si cet homme-là, au même moment où il a été debout devant la mosquée du Cheikh, si des frères étaient venus avec l'apparence de la sunna et de l'obligation, la barbe, le qamis, lui aurait dit, ittaqillah, crains Allah, qu'est-ce que tu fais? Rentre avec tes pas musulmans, rentre avec nous, comme ils l'ont dit à un frère. Anta muslim, est-ce que tu es musulman? C'est ça le musulman, rentre avec nous prier. D'une manière très chadide, d'une manière très dure et rude. Et ça ne peut venir que de la dureté des cœurs, qu'Allah nous adoucisse nos cœurs et qu'il fasse que nous prenions exemple sur le comportement du prophète alayhi salatu wasalam. Si des frères avaient mal réagi avec lui, ou un seul d'entre eux avait mal, il serait certainement pas, il ne serait pas mort sur la voie, alhamdulillah, après la tawbah, il ne serait pas mort sur le repentir. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal a voulu le bien pour cet homme-là, de sorte qu'il l'a guidé et qu'il l'a fait, il lui a permis de faire le petit pèlerinage et qu'il a pris son âme juste après. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa rahimahullah ta'ala. On demande à Allah qu'il lui fasse miséricorde. Mais quelle est la cause de cela? C'est le bon comportement, c'est la bonne exhortation. Si on est dur envers quelqu'un, la dureté, elle n'apporte rien de bon. Elle va soit éloigner la personne, ou même s'il suit ton conseil, elle va le faire te détester. Donc faites attention à la dureté. Et ce n'est pas pour ces deux causes-là qu'il faut la délaisser. Il faut d'abord la délaisser parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous l'a pas ordonné. Il nous a ordonné le contraire. Et j'ajoute un verset que je sais que Cheikh, inshallah ta'ala, il agréera, il acceptera cet ajout. Allah Azza wa Jal dit en ce sens, « Ud'u ila rabbika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati l'hasana. » Appelle les gens, exhorte les gens au sentier de ton Seigneur, avec sagesse et avec la bonne exhortation. Appelle les gens de la meilleure des manières. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, « وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنِ » Et rectifie-les de la meilleure des manières. Et Al-Hikmatu Ibn Al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, il dit « هِيَ فِعْلُ مَا يَنْبَغِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَنْبَغِي عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي » Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, son éminence, il dit « La hikma, la sagesse, c'est quoi en islam la sagesse? C'est faire l'action appropriée, au moment approprié, de la manière appropriée. » Donc agissez, barakallahu fikoum, avec hikma, mes chers frères. Et la hikma, ça ne veut pas toujours dire se taire. Parfois, fait partie de la hikma de se taire. Et parfois, fait partie de la hikma de se mettre en colère. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certains moments, il s'est mis en colère. On ne peut pas dire de lui qu'il n'a pas eu de hikma. La hikma, elle est comme Allah Azza wa Jal l'a ordonné dans son Coran al-Karim. Et comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a mise en application. Donc apprenez cette sagesse, mes chers frères. Et bien évidemment, dans la conférence que Cheikh a, la dernière partie qu'il a dit, et les critiques qui ont été proférées à l'égard de certains parmi les musulmans, comme Hassan al-Banna et d'autres, ça ne veut pas dire que c'est un manque de hikmah. Quant aux gens et aux voix qui se sont égarés de la voix du prophète, ahlul bid'a wal ahwa, les gens de l'innovation religieuse, Là, ce n'est pas la même chose. La hikma, ce n'est pas toujours d'être compatissant et gentil envers eux. Et certes, ce n'était pas la voie de nos prédécesseurs. Et je vais apporter tout ce que le cheikh, inshallah ta'ala, il a dit, bi'idhnillahi ta'ala, sans ajouter un mot. Et que tous les frères présents écoutent bien cette troisième partie, inshallah ta'ala, qui est certainement la plus importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique que nous avons cité, il dit « Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai al-rashidin al-mahdiyin min-ba'di » Méditez bien. « Alaykum bi sunnati » Cramponnez-vous donc à ma sunna. C'est la première chose qu'il a citée. Ensuite, il a cité une deuxième chose. « Wa sunnati al-khulafai al-rashidin min-ba'di » Et la sunna des califes bien guidés après moi. Méditez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué deux sunnan, deux voies. Sunnatan, il a dit « Alaykum bi sunnati » Suivez donc ma voie. Et suivez la voie des califes bien guidés. Il a donc évoqué deux fois le mot sunna et il a évoqué deux sunnas. Ensuite, il a dit Addu alayha. Et il n'a pas dit Addu alayhima. Il a dit cramponnez-vous à cette sunna. À cette sunna, il n'a pas dit à ces deux sunnas. Mordez-y avec les dents les plus reculées. À cette sunna, au singulier. Pourtant, au début du hadith, il a évoqué au pluriel, il a évoqué deux sunnas, deux voies. Il a dit cramponnez-vous à ces deux voies, la mienne et celle de mes califes bien guidés après moi. Et à la fin, il a dit, cramponnez-vous à cette voie. Pourquoi à la fin, il a dit une et au début, il a dit deux? Les savants ont dit parce que la voie des califes bien guidés après le messager d'Allah et à leur tête Abu Bakr, radiallahu ta'ala an, cette voie-là de ses compagnons n'est autre que la même voie qui est celle du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est une importance à souligner dans ce hadith, comme l'ont fait nos savants du hadith. Et on remarque ici dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam qu'il dit Abdu alayha, malgré qu'il a évoqué deux sunan et il n'a pas dit Abdu alayhima. Et ça, c'est la première, c'est le premier point important à retenir, que la voix des compagnons n'est autre que la voix du prophète sallallahu alayhi wasallam. C'est pour cela qu'il incombe de suivre les compagnons au même titre qu'il incombe de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam. Et il n'y a aucune divergence et il n'y a aucune contradiction entre ces deux voies que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a évoquées. Et ce hadith, mes chers frères, en réalité, c'est une confirmation d'un autre hadith. Ce hadith confirme un autre hadith. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint de suivre sa voie? Parce que sa voie et la communauté de l'islam, après le messager d'Allah, certes se divisera et s'égarera. Comme cité dans l'autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la communauté juive s'est divisée en 71 divisions. Toutes sont dans le feu excepté une, c'est-à-dire excepté ceux qui ont suivi leur prophète au temps où il leur est venu. La communauté chrétienne s'est divisée en 72 divisions. Toutes sont en enfer, excepté la fraction des chrétiens qui ont suivi le prophète qui est venu à leur temps sans modifier son message et sans le contredire. Ensuite, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ma communauté, autrement dit la communauté de Mohammed alayhi salatu wa sallam, au sens particulier, et ma communauté se divisera en 73 divisions. Et ne dites pas qu'il y a 73 sectes en islam, il y en a 72. Il a dit en 73 divisions, toutes sont en enfer excepté une seule. Et ça, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il l'a dit. Kulluha fin nari illa wahida. Tous ces 73 groupes sont dans le feu, excepté un seul. Ils dirent, qui est ce groupe secouru au messager d'Allah? Il répondit, ce sont ceux qui suivent ce sur quoi je suis moi aujourd'hui. Al-Yawm, le prophète sallam, il a dit aujourd'hui, et le fait qu'il ait dit aujourd'hui, c'est la preuve que la seule religion qu'Allah jalla wa ala accepte et celle qu'il est bon de suivre, c'est celle que le messager d'Allah avait et a pratiqué et a enseigné. Qui est cette fraction secourue au messager d'Allah? Ce sont ceux qui suivent ce sur quoi je suis moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Qu'Allah les agrée dans leur intégralité. Et Allah Azza wa Jal aussi nous met en garde. Ça, c'est ce sont les hadiths, les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Allah Jalla wa Ala aussi nous met en garde dans le Coran al-Karim contre le fait de faire scission, comme Allah l'a dit. Le fait de faire scission, c'est le fait de contester, de faire front, de combattre et de s'égarer par conséquent de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit dans le sens du verset وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى et quiconque fait scission avec le messager d'Allah après que la guidance lui soit venue, et qui suit là une voie autre que celle des croyants, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, et qui suit une voie autre que celle des croyants, nous le renverrons à son égarement et ne lui réserverons l'enfer, et quelle mauvaise destination. Ça, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal telle qu'elle, qui met en garde contre celui qui diverge et qui combat la voie du messager d'Allah, même s'il fait partie des musulmans. Et le prophète alayhi salatu wa salam, donc il évoque sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Ma voie, suivez ma voie ainsi que la voie de mes califes bien guidés après moi, mordez-y avec les dents les plus reculées. Certains traducteurs l'ont traduit par mordez-y avec les molaires, mais en réalité il convient de traduire par mordez-y avec les dents les plus reculées. Le prophète alayhi salam, il a dit addu alayha bin nawajidi, et an-nawajid dans l'angrabe, ce sont les dents les plus reculées. Même si par exemple il y a des dents derrière les molaires, comme on l'appelle les dents de sagesse, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mordez-en avec les dents les plus reculées. Pourquoi dans la bouche, dans les dents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié le fait de mordre avec les dents les plus reculées à la sunna, autrement dit le fait de mordre, c'est-à-dire le fait de se cramponner, c'est une métaphore. Mais pourquoi il a cité les dents les plus reculées? Parce qu'avec les dents les plus reculées, c'est avec les dents les plus reculées qu'on a le plus de force. C'est avec les dents les plus reculées qu'on a le plus de force lorsque l'on mord quelque chose. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa métaphore, il nous dit cramponnez-vous à cette voie avec les dents les plus reculées, autrement dit du mieux que vous pouvez. Et qui sont Al-Khulafa Al-Rashidun? Ce sont premièrement les califes bien guidés, ce sont premièrement Abu Bakr. À leur tête, Abu Bakr, le meilleur d'entre eux. Abu Bakr, gare à vous de dire Omar est meilleur qu'Abu Bakr ou Ali est meilleur qu'Abu Bakr. Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, en étant aussi le premier à avoir cru au messager d'Allah, c'est le premier calife bien guidé après le messager d'Allah, et c'est le premier gouverneur légitime après le messager d'Allah. Il est par conséquent, comme l'ont dit nos savants, le meilleur des compagnons. Il est à la tête des califes bien guidés, Abu Bakr. Ensuite, Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Omar. Ensuite, Uthman. Et enfin, Ali. Qu'Allah les agrée tous, et qu'Allah agrée tous les compagnons dans leur intégralité. Le prophète, alayhi salatu wa salam, mes chers frères, maintenant qu'on a vu l'importance de suivre la voie des califes bien guidés, il faut connaître l'importance et le haut rang des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a dit Ar-Rashidun, Al-Khulafa Ar-Rashidin, les califes bien guidés. Et Ar-Rushd en langue arabe, ça signifie la rectitude, la droiture. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, il leur donne de les suivre, et deuxièmement, il fait leur éloge en les qualifiant, comme étant des gens et des hommes droits et bien guidé dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et en réalité, comme l'a dit le Cheikh Abdelhadi, qu'Allah le préserve, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah l'exalté le Très-Haut qui a choisi les compagnons pour perpétuer la religion après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhu. Allah Azza wa Jal les a choisis pour élever sa religion et pour la faire se perpétrer sur terre jusqu'à nos jours. Qu'Allah les agrée dans leur intégralité. Ça, c'est un choix d'Allah Azza wa Jal, subhanallah. Non seulement ils ont l'éloge du prophète d'Allah, alayhi salatu wassalam, les compagnons ont l'éloge du messager d'Allah, et ils ont aussi, avant cela, l'éloge de leur créateur, qui est Allah, jalla wa ala, qui les a choisis, afin qu'ils soient, car Allah Azza wa Jal, tout ce qui se passe sur terre ne se passe qu'avec sa science, qu'avec sa hikmah, et Allah Azza wa Jal a choisi ces hommes-là pour perpétuer la religion du messager d'Allah, et il a aussi fait l'éloge des compagnons dans la parole d'Allah al-Qur'an al-Karim. Ça, c'est premièrement l'éloge des compagnons. Avant cela, l'ordre de les suivre. Ensuite, l'éloge. Le deuxième attribut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a attribué aux compagnons après Ar-Rushd, il a donc dit ils sont bien guidés. Et comme il a dit le Cheikh Abdelhadi, Ar-Rushd, c'est le contraire de Al-Ghay, c'est le contraire de l'égarement. Donc en les qualifiant comme étant bien guidés, il les qualifie en même temps comme n'étant pas égarés, contrairement aux gens de l'égarement et des suiveurs de leur passion. Troisièmement, qu'ils sont bien guidés. Ils sont bien guidés. Parce qu'en français, on traduit par un seul mot, on dit les califes bien guidés, mais en langue arabe, il y a Ar-Rashidun, il y a Al-Mahdiyin, il y a plusieurs mots. Ar-Rashidun, Al-Mahdiyun, et en français, on a traduit le sens, donc on a résumé ces trois mots. Al-Mahdiyin. Et Al-Mahdiyin, ça vient de Al-Huda, la guidance. Les califes bien guidés après moi, ce sont les califes qu'Allah a guidés. A guidé par sa volonté, par son bon vouloir et par sa miséricorde. Et par le fait qu'il les a favorisés, jalla wa ala. Et donc, mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait l'éloge des compagnons dans le verset qu'on va voir. C'est pour cela que parmi les paroles les plus graves qu'un musulman puisse prononcer, et qui pour certains savants, le sort de l'islam, c'est le fait de critiquer, d'être critique à l'égard des compagnons, et comme il a dit le cheikh, le fait de chercher à les humilier par la parole. Dans l'éloge que le messager d'Allah a fait sur eux, les concernant, et avant cela l'éloge qu'Allah Jalla wa'ala a fait dans le verset que nous allons voir. Allah Jalla wa'ala a fait l'éloge des compagnons, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a fait l'éloge dans ce hadith et dans d'autres hadiths. Nombreux sont les hadiths. Par exemple, l'autre hadith que le cheikh a cité, hafidhahullah ta'ala, khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens, les meilleurs des créatures, les meilleurs des êtres humains, ce sont ceux qui sont de mon époque. Ça, c'est le messager d'Allah qui dit dans le sens du hadith, les meilleures personnes, ce sont celles qui sont de mon époque. De l'époque du messager d'Allah, bien évidemment, qui ont cru en lui et l'ont suivi. Et ce sont les compagnons en premier lieu. Les meilleures personnes, ce sont celles de mon siècle. Ensuite, celles du siècle suivant. Ensuite, celles du siècle suivant. Et ce hadith, il est authentique à propos du messager d'Allah. Cette riwaya, elle est authentique, comme l'a dit le cheikh Abdelhadi. Quant à la riwaya qui est... il n'est pas authentique, qui est faible en authenticité, c'est le récit qui dit le meilleur des siècles. Le messager d'Allah, ce n'est pas authentique qu'il a dit le meilleur des siècles. Il a dit les meilleures personnes, ou les meilleurs parmi les gens, sont ceux de mon siècle. Et un autre hadith qui n'est pas authentique, où le messager d'Allah, ils disent qu'il a dit le meilleur des siècles, c'est mon siècle, premièrement, ensuite le siècle qui l'a suivi, ensuite le siècle qui l'a suivi, les trois siècles-là. Donc les trois siècles, en comprenant le premier qui est celui du messager d'Allah, ce sont les trois meilleurs siècles dans lesquels la religion d'Allah a été la mieux pratiquée et dans laquelle il y a les meilleures créatures d'Allah Jalla wa'ala, comme l'atteste le prophète alayhi salatu wasalam. Et ça, c'est aussi une éloge pour les compagnons. Le meilleur des gens, les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle. C'est une éloge pour les compagnons. Ensuite, une éloge pour les successeurs des compagnons, at-tabi'un. Ensuite, une éloge pour taba'u at-tabi'un, pour les successeurs des compagnons. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on n'a pas le temps d'évoquer tous les hadiths, il a fait l'éloge des compagnons. Ça, c'est une tazkiyah. Et en langue arabe, le mot tazkiyah, ça vient de zakat, ça vient de purification. Le messager d'Allah a purifié leur état. Il a attesté qu'ils étaient pieux et purs de tout ce qu'Allah jalla wa'ala interdit. C'est pour cela, mes chers frères, que parmi les sectes en islam les plus virulentes et les plus dangereuses et les plus critiques à l'égard des compagnons, il y a les chiites, et parmi les chiites qui sont eux aussi divisés en plusieurs sectes, il y a les rafidites, ar-rafida, que l'on appelle ar-rawafid. Ar-rawafid, rafada en langue arabe, ça veut dire refuser, parce qu'ils ont refusé un bon nombre de compagnons comme étant des compagnons et ils les ont traités de mécréants. C'est pour ça qu'ils ont été appelés rafida, rawafid. Qu'Allah leur réserve ce qu'ils méritent, et qu'Allah nous éloigne d'eux et de leur idéologie. Que disent les chiites? Ils disent tous les compagnons du messager d'Allah sont hypocrites et sont des apostats. Ils ont cru en Allah et après la mort du messager d'Allah, ils ont rejeté la foi après avoir cru. Subhanallah al-Azim. Et lorsqu'on dit de quelqu'un tu es un apostat, ça veut dire que tu dis de lui qu'il éternise en enfer s'il meurt sur son apostasie. Subhanallah. Donc selon eux, les compagnons sont éternels en enfer, excepté 4 ou 5 qu'ils ont évoqués: Abu Dharr radiallahu ta'ala an, Ammar ibn Yasir radiallahu ta'ala an, Miqdad radiallahu ta'ala an, Al-Hassan et Al-Hussein, les deux petits-enfants du messager d'Allah radiallahu ta'ala alayhim ajma'in. En dehors de Ali, bien évidemment, Ali qu'il ne traite pas de mécréants, en dehors de Ali, il y a ces cinq compagnons-là qu'il ne traite pas de mécréants. Ce sont les cinq seuls compagnons parmi les centaines de messagers d'Allah qui sont peut-être au nombre de 400 ou plus qui ont vécu à son époque. Il les traite tous de mécréants, excepté les cinq messagers-là que nous venons d'évoquer. Et subhanallah, ça c'est un acte et une parole très grave qui est proférée à l'encontre du messager d'Allah. Et bien évidemment, la moindre des choses et le plus que nous puissions faire, c'est de dire que c'est un égarement et c'est de se désavouer d'eux. C'est la moindre des choses que de leur tourner le dos. Ils se croient libres d'avoir cette croyance-là, alors nous sommes libres de les ignorer et de mettre en garde contre eux. Eux, bien évidemment, les chiites, ils vous citeront des versets, des vrais versets du Coran, des vrais hadiths authentiques, mais le problème c'est qu'ils tournent, ils ont une autre tournure de la compréhension. Ce n'est pas la compréhension de nos pieux prédécesseurs, et donc ils changent, ils modifient, al-tahrif, ils changent le sens des versets à leur guise et à leur manière, et ils changent le sens des hadiths dont ils se servent pour preuve, pour justifier leur croyance et Et subhanallah, la religion chiite, je dis bien la religion chiite, j'ai pas dit la religion de l'islam, la religion chiite, subhanallah, elle est basée sur l'insulte, le fait de maudire et de blâmer. Plus tu insultes Abu Bakr, plus tu es pieux, subhanallah. Et il n'y a aucune religion au monde qui est basée sur l'insulte. Il n'y a aucune religion au monde qui est basée sur le fait de maudire et de maudire et de maudire, et c'est ça qui vous fait augmenter en foi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, prenez garde des chiites, éloignez-vous d'eux le plus que vous pouvez. Et Allah Azza wa Jal, il a fait l'éloge des compagnons, comme on l'a dit tout à l'heure. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ. Et les premiers parmi Al-Muhajirin ou Al-Ansar, parmi ceux qui, les Ansar qui sont les gens de Médine, et Al-Muhajirin qui sont les musulmans de Mecca qui ont fait l'exode à Médine après qu'Allah Jalla wa Ala leur ait ordonné de faire cela. Donc Allah Azza wa Jal, il cite les compagnons dans ce verset-là. Il cite les compagnons qui ont été des compagnons, qui ont donné la compagnie au messager d'Allah, à Médine lorsqu'il a émigré, et avant d'aller à Médine, autrement dit ceux de la Mecque qui l'ont suivi et qui ont subi les injustices avec lui à Mecca. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il a fait l'éloge. Radiallahu ta'ala, radiallahu anhum wa radu anha. À la fin du verset, Allah il dit, Allah les a agréés, autrement dit les compagnons, et particulièrement les premiers. Allah les a agréés et ils l'ont agréé. Donc comment pourraient-ils être des apostats si Allah a témoigné? Et la parole d'Allah est la parole la plus véridique. Allah leur a témoigné l'agrément. Et ils lui ont témoigné de l'agrément. Et ça, c'est le tafsir. Ce tafsir-là, vous prenez n'importe quelle exégèse parmi les savants de l'exégèse de la sunna, non ceux des chiites, de la sunna, les savants sunnites, et vous verrez que le sens de cela, les compagnons l'ont dit, le prophète sallam aussi l'a expliqué, le sens de ces versets-là, ce sont les compagnons desquels, de qui Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge. Et donc les chiites, subhanallah, comment peuvent-ils contredire, de front affronter, ils contredisent, ils traitent de mécréants les compagnons, mais ce n'est pas le plus grave, c'est qu'ils traitent l'éloge d'Allah comme étant un mensonge. C'est ce que le Cheikh Abdelhadi a dit. Il a dit, critiquer un compagnon, c'est grave, mais ça signifie plus que cela. Ça signifie critiquer le jugement d'Allah et sa parole et sa volonté concernant les compagnons qu'il a choisis et qualifiés comme étant des gens bien guidés, et il leur a témoigné son agrément, Jalla wa Ala, radiallahu ta'ala anhu. Donc, parmi les égarements aussi des chiites, ils disent que, en ce qui concerne Al-Hawd, et vous savez, c'est une base parmi les bases de la croyance en islam, dans la sunna, c'est une base que de croire à ce Hawd. Al-Hawd, c'est le bassin qu'Allah Azza wa Jal donnera au messager d'Allah. Et chaque prophète a un bassin, mais le bassin du messager d'Allah, c'est le plus grand et le plus large. « Bouluhu masira tashar wa urduhu masira tashar » comme il a été rapporté dans les textes, ce bassin-là, il est long et large comme la distance d'un mois de marche. Al-Muhim, ce bassin-là, en lequel il convient de croire, lorsqu'Allah Azza wa Jal, et seulement pour les gens du paradis, leur permettra de boire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur servira à boire, et quiconque boit de ce bassin-là ne ressentira plus jamais la soif, à jamais, éternellement, il n'aura plus jamais soif. Et donc les chiites, qu'est-ce qu'ils disent en concernant ce bassin-là? Ils disent que les compagnons du messager d'Allah, lorsqu'ils se présenteront parmi les premiers pour boire à ce bassin-là, que les anges les éloigneront, et qu'ils diront au messager d'Allah, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi, ils se sont détournés de la religion et se sont devenus des apostats. Le hadith en lui-même, il est authentique. Le hadith, il est dans l'authentique de musulmans. Mais le sens du hadith, et non seulement il est mensonger, mais il est inventé. Et il est accusateur, ce hadith-là. Ils accusent les compagnons. Ce ne sont pas les compagnons qui seront éloignés du bassin du messager d'Allah. Hachalillah. Et qui sont donc ces gens, dans le hadith authentique, qui seront éloignés du bassin du messager d'Allah et qui ne boiront pas de ce bassin-là? Et à qui les anges, et de qui les anges diront, ô messager d'Allah, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après ta mort, après toi, ils ont délaissé la religion, c'est devenu des apostats. Qui sont concernés par ce hadith? Les savants du hadith, mes chers frères, personne n'est apte à expliquer le Coran seul, c'est réservé aux savants de l'exégèse. Personne n'est apte à expliquer l'essence des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est réservé strictement aux savants du hadith, les savants du hadith, de la parole du messager d'Allah. Qu'est-ce qu'ils ont dit les savants du hadith, al-muhaddithoun? Ils ont dit parmi l'Arabe, parmi les Bédouins, parmi les Arabes, Quraïchites et autres, à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, après la mort du messager d'Allah, notamment Abu Bakr, radiallahu ta'ala, il les a combattus, il les a longuement exhortés. Abu Bakr, il a subi l'apostasie un fléau d'apostasie à l'époque d'Abu Bakr, après le messager d'Allah. Beaucoup de gens ont rejeté la religion. Les savants du hadith ont dit que ce sont premièrement eux les concernés. Ceux qu'Abu Bakr a combattu et ceux qu'Abu Bakr a appelé à l'islam, et Allah Azza wa Jalla a guidé certains d'entre eux. Ce sont ceux-là premièrement qui seront éloignés, parce que ce sont les premiers apostats. Ce seront eux qui seront éloignés du bassin du messager d'Allah, premièrement dans l'histoire de notre religion. Ensuite, les gens de la bid'a et les gens de l'innovation religieuse. Et l'innovation religieuse, en réalité, en français, le terme, c'est l'hérésie. C'est hérésie. Mais comme c'est un terme que beaucoup ne comprennent pas, ou que plus particulièrement les personnes âgées ne comprennent pas, donc on dit innovation religieuse. On doit toujours préciser religieuse, on ne doit pas dire juste innovation. Parce que l'innovation matérielle, en islam, c'est quelque chose de bon, comme le cheikh l'a démontré, comme on va le voir tout à l'heure. Mais l'innovation en religion, inventée dans les actes d'adoration, ça c'est quelque chose que le prophète alayhi salam a mis en garde. Donc, premièrement, parmi les bédouins, les apostats parmi les bédouins, eux sont concernés par l'éloignement du bassin du messager d'Allah. Deuxièmement, les gens de l'innovation, parmi lesquels al-khawarij, le terme khariji, ça signifie sortir d'eux. Et les khawarij ne croyez pas que c'est juste ceux qui traitent de mécréants les musulmans. Al-khawarij, c'est constitué de plusieurs sectes. Al-khawarij, ce sont tous ceux qui sortent de l'autorité du gouverneur, comme on a souligné l'importance tout à l'heure. Al-khawarij, les gens de l'innovation, qui se sont détournés de la voie du messager d'Allah, eux aussi seront éloignés du bassin du messager d'Allah. Et parmi les khawarij, il y a al-takfiriyoun, ceux qui traitent de mécréants les musulmans, et qui traitent de mécréants les gouverneurs des musulmans qui ne sont pas mécréants. Et il y a aussi al-ikhwan al-muslimoun, qui sont aussi parmi les khawarij, parce qu'ils sortent de l'autorité du gouverneur, et nul ne peut contredire, avec toutes ces manifestations qu'ils font, etc., que ceci est une désobéissance au gouverneur et c'est une sortie de son autorité. Al-Mouhim, on va venir au détail tout à l'heure. Ces sectes-là, eux, seront éloignés du bassin du messager d'Allah, tout comme l'a dit le cheikh. Yani, je traduis la conférence du cheikh, hafidhahullah ta'ala. Et comme l'a dit le cheikh, parmi les sectes égarées en islam, et alhamdulillah, chaque fois que le cheikh cite une parole, une secte égarée, il donne une preuve. Parmi les sectes égarées en islam, il y a les frères musulmans, cette secte des frères musulmans. Qu'est-ce qu'ils disent à leur tête aujourd'hui? C'est Al-Qardawi, leur pionnier, leur imam. Que dit Al-Qardawi? Et ceci, c'est une chose que vous pouvez vérifier. Il dit les chiites sont nos frères. Al-Shi'a ikhwanuna. Et ça, c'est une des déviances et une des erreurs dans la mer d'erreurs de Al-Qardawi. Qu'Allah le dit. Nous lui souhaitons la guidance malgré cela. Il dit les chiites, ce sont nos frères et nous devons discuter avec eux. Comment, subhanallah, dit le Cheikh Abdel Hadi, peux-tu dire de celui qui insulte la mère des croyants, wa azwajuhum ummahatuhum, comme l'a dit Allah, et ses épouses sont les mères des croyants. Et l'épouse, parmi les épouses du messager d'Allah, la plus aimée, comme le prophète sallam l'a attesté, c'est Aïcha radiallahu ta'ala anha. Comment peux-tu dire de celui qui traite l'épouse du messager d'Allah et qui traite la mère de tous les croyants du monde entier, qui la traite comme étant fornicatrice? Les chiites, parmi les fondements de leur religion, la première chose qu'ils apprennent aux convertis chiites, Aïcha, c'est une fornicatrice. L'épouse du messager d'Allah est une fornicatrice. Et ils l'accusent par rapport à ce hadith al-ifk, cette rumeur qui a couru à son époque, Aïcha radiallahu ta'ala anha, c'est une rumeur que les hypocrites ont proférée à son encontre, et Allah azza wa jal, au-dessus des sept cieux, l'a totalement blanchi et l'a totalement innocenté. C'est plus propre de dire innocenté. Blanchi, c'est pour les gens corrompus, on dit qu'ils ont été blanchis. Mais Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a été innocentée parce qu'elle l'était à la base, radiallahu ta'ala anha. Comment pourrait-on dire d'un chiite, c'est mon frère, alors qu'il insulte la mère des croyants et l'épouse la plus aimée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est une fraction parmi... Ça, c'est une goutte des chiites. Il y a d'autres contradictions dans leur religion. Ils maudissent Abu Bakr, le père de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Ils maudissent Abu Bakr. Ils disent que Abu Bakr, en réalité, c'est un hypocrite. Que devant le messager d'Allah, durant sa vie, il montrait la foi. Et après la mort du messager d'Allah, il a rejeté la foi. Autrement dit, il n'a plus pratiqué l'islam. Quand tu dis que quelqu'un qui est kafir, c'est qu'il n'est plus musulman. Et subhanallah al-azim, Abu Bakr radiallahu ta'ala anha, nul n'est censé ignorer le gouverneur qu'il a été, le meilleur entre les gouverneurs, et la meilleure créature d'Allah après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu ta'ala anha. Donc il ne convient pas de dire que les chiites, ce sont nos frères. On ne peut pas dire que ce sont mes frères. La moindre des choses, c'est de s'éloigner d'eux et de mettre en garde contre eux. Les chiites ne peuvent être nos frères. Tant qu'ils insulteront, tant qu'ils resteront chiites, parce que c'est leur religion, tant qu'ils insulteront Abu Bakr, tant qu'ils insulteront Omar, tant qu'ils insulteront Uthman, radiallahu ta'ala anha, ils insultent Aïcha et ils disent qu'elle est fornicatrice, subhanallah al-azim, mais ça, il ne convient pas de l'oublier. Et encore une fois, celui qui veut vérifier leur dire, qu'il le fasse, il verra ce qu'ils disent, subhanallah al-azim, ils disent bien pire que cela. Et subhanallah, parmi les absurdités et les mensonges qui sont proférés par les chiites, ils disent qu'au jour du jugement dernier, la première personne qu'Allah châtira, c'est Aïcha, subhanallah. Ils disent la première personne qu'Allah châtira, et sur laquelle il appliquera la peine du châtiment, c'est Aïcha à cause de sa fornication. Ils disent, Afwan, les deux premières personnes qu'Allah va châtier, c'est Abu Bakr et Omar. Ils commencent par le père de Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Ils disent, Abu Bakr et Omar, ils seront les premiers à subir la peine capitale dans l'au-delà parce qu'ils ont usurpé la gouvernance au messager d'Allah. Ils ont usurpé la gouvernance à Ali, radiallahu ta'ala anha. C'est ce que les chiites disent. Ils disent que Ali aurait dû être le gouverneur ultime après le messager d'Allah et le premier gouverneur après le messager d'Allah. Or, Allah Jalla wa'ala, on a voulu autrement. Ali, nous l'aimons et nous le respectons, comme tous les compagnons. Mais Abu Bakr, Allah l'a favorisé par rapport à Uthman et à Ali et à Omar, radiallahu ta'ala anil jami'. Donc ils disent, la première personne qui subira la peine capitale dans l'au-delà, ça sera Abu Bakr et Omar, parce qu'ils ont usurpé, subhanallah al-azim, la gouvernance à Ali, radiallahu ta'ala anil. Et nombreux sont les absurdités des chiites et les égarements qui n'ont aucune preuve dans les textes de religion. Ça, c'est un témoignage d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de ses compagnons. Ne croyez surtout pas qu'ils sont égarés ou apostats. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Comment Allah Azza wa Jal les agrée et atteste de cela et qu'ensuite ils puissent être des apostats. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il les a agréés, lorsqu'il fait l'éloge de quelqu'un, l'éloge perdure jusqu'au jour du jugement dernier. Allah, lorsqu'il fait l'éloge de quelqu'un, cette personne ne s'égare pas. C'est jusqu'au jour du jugement dernier, la personne est une personne de bien. Si Allah, subhanahu wa ta'ala, en a attesté. Subhanallah al-Azim. Donc, c'est vraiment choquant lorsqu'on entend ce que disent les chiites et ce que disent d'autres sectes. Est-ce que les chiites, subhanallah, ne savent-ils pas, comme vous le savez, ne savent-ils pas qu'Allah a fait l'éloge des compagnons? Ne savent-ils pas qu'Allah connaît l'avenir et qu'il connaît l'avenir et la destination et le destin des créatures avant de les avoir créés 50 000 ans comme l'a dit le prophète sallam dans le Bukhari? Ne savent-ils pas cela? Est-ce qu'ils ne savent pas? Admettons que les chiites disent que les compagnons sont mécréants. Admettons cela. Bien sûr, nous on ne l'admet jamais, mais admettons qu'on prend leur dire et qu'on les prend au mot. Vous dites qu'ils sont mécréants. Allah ne savait-il donc pas qu'après son messager, le dernier de ses messagers, Allah ne savait-il donc pas que ses compagnons allaient s'égarer? Alors pourquoi a-t-il fait leurs éloges? Plus loin encore, Allah ne savait-il donc pas que le messager d'Allah, après sa mort, serait enterré en ayant pour deux voisins dans sa tombe Abu Bakr et Omar, comme c'est le cas à Médine pour ceux qui y ont été. Et ils l'ont remarqué. Allah ne savait-il donc pas? Comment, subhanallah, puisse cela être possible? Comment Allah pourrait-il laisser deux apostats, deux mécréants, deux menteurs, selon les chiites, être des voisins jusqu'au jour du jugement dernier du messager d'Allah, alayhi salatu wasalam? La moindre des choses, subhanallah, c'est de s'éloigner de ces imbécilités, c'est d'avoir la conviction qu'Allah protège son messager. Durant sa vie, après sa mort, quand il est enterré, et dans l'au-delà, Allah Jalla wa'ala a la protection sur son messager, une protection particulière, et la protection de ses alliés aussi, les croyants. Ne savent-ils donc pas qu'Allah Azza wa Jal sait, il connaît l'avenir? S'ils disent non, on ne savait pas, alors, Cheikh il a dit, ils sont mécréants. S'ils disent non, Allah il savait l'avenir, mais il se peut qu'ils soient mécréants. Dans ce cas-là, ils nient la toute puissance d'Allah Azza wa Jal et ils nient son ilm azali, sa science qui s'étend à toute chose. Et si tel est le cas, ils sont mécréants, comme l'ont dit les savants. Si tel est le cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah a caché à son messager, qu'Allah a dissimulé à son messager que les gens qui vivent avec lui, qui supportent toutes les difficultés avec lui, allaient le trahir. Si c'est le cas, si on prétend qu'Allah, Jalla wa'ala, que les compagnons sont mécréants et qu'Allah savait l'avenir ou qu'il ne savait pas mais que ça pouvait arriver, on considère donc qu'Allah a dissimulé la révélation au messager d'Allah. Il a dissimulé à son prophète que ses compagnons allaient le trahir. Subhanallah, regardez jusqu'où l'accusation des compagnons vous fait remonter. C'est une accusation envers la mère des croyants, qui est une accusation envers l'honneur du messager d'Allah, qui est une accusation envers celui qui a envoyé le messager d'Allah et qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran al-Karim, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Celui qui a créé ne sait-il donc pas? Subhanallah al-Azim. Donc Allah jalla wa ala, sans aucun doute, et il convient de le répéter et de ne pas s'enlacer, Allah a agréé sans aucun doute ses compagnons. Et Allah a agréé tous les compagnons dans leur intégralité. Allah les a tous agréés. Radiallahu ta'ala, radiallahu anhum, comme dans le verset. Allah les a tous agréés, sans exception. Il n'y a pas parmi les compagnons, et plus particulièrement les premiers compagnons, il n'y a pas parmi eux un apostat ou un égaré, ou même s'il reste dans la sphère de l'islam, il n'y a pas parmi eux un innovateur ou quelqu'un qui contredit la voix du messager d'Allah. Nul n'a obéi au messager d'Allah comme les compagnons d'Allah lui ont obéi, comme les compagnons afin du messager d'Allah lui ont obéi. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, je vous le rappelle encore une fois, comme le cheikh l'a répété plusieurs fois, les meilleurs des gens, comme le dit le messager d'Allah, les meilleures personnes sont celles de mon siècle, puis celles du siècle suivant, puis celles du siècle suivant. Ensuite, le rawi du hadith, il a dit, وَمَا أَدْرِي ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ رَبِعًا أَمْ لَا. Celui qui a rapporté ce hadith, il a dit avec conviction, les trois siècles, le messager d'Allah les a cités. Ensuite, il a dit, et je ne sais pas, je ne suis pas sûr s'il a évoqué un quatrième siècle ou pas. Et donc le messager d'Allah, on revient au hadith de base qui est le sujet de cette conférence, wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Et prenez garde quant aux choses nouvelles en religion. Et subhanallah al-azim, nombreux sont les musulmans qui disent l'innovation en islam, ce n'est pas quelque chose d'interdit, ce n'est pas quelque chose de mal. Iyyakum wa muhdathat al-umur. Prenez garde, comme dit le messager d'Allah, et c'est sa parole, lettre par lettre, mot par mot, prenez garde quant aux choses nouvelles dans les actes d'adoration, dans la religion. Et cette chose grave dans le messager d'Allah, les choses nouvelles en religion, ce sont les innovations religieuses, l'hérésie. Ce sont parmi les pires choses dont le messager d'Allah a mis en garde. Pourquoi ? Parce que dans un autre hadith, il dit « فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ » Et dans une autre riwaya, « وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ » Hadith aussi qu'on a vu au début de la conférence. « كُلَّ » En langue arabe, comme l'a dit le shaykh, « كُلُّ يُفِيدُ الْعُمُومِ » Lorsque le messager d'Allah il dit dans le sens du hadith, certes, toute innovation religieuse est égarement. Le mot kullu, tout, ça veut dire tout sans exception. C'est une citation qui a pour but d'englober tout, absolument tout. C'est une généralité. Le prophète sallam, il a généralisé quoi ? Les innovations religieuses. Il a dit, elles sont toutes égarement, et tout égarement est dans le feu. Comment pourrait-il y avoir des bonnes innovations en islam si le messager d'Allah dit, toutes les innovations religieuses sont égarement jusqu'à la fin du hadith ? Et regardez bien, subhanallah, méditez sur le sens du hadith, comme l'ont dit nos savants du hadith. فَإِنْ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Prenez garde, la première mise en garde, ce sont les choses nouvelles en religion. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. La deuxième mise en garde, tout acte, innovation en religion est égarement. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Et toute innovation religieuse est égarement. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Regardez, il y a quatre mises en garde dans quatre phrases, subhanallah. Chaque phrase dans ce même hadith contient une mise en garde, comme ils ont dit les savants. Tahdir, ya'qubuhu tahdir, ya'qubuhu tahdir. Ya'qubuhu tahdir dans la riwayat de l'autre hadith. Une mise en garde suivie d'une autre mise en garde, suivie d'une troisième mise en garde, et dans le récit de l'autre hadith, suivie d'une quatrième. C'est pour cela que le message est Allah, il ne faut pas prendre les choses à la légère. C'est grave de commettre l'acte qui est une innovation religieuse, al-bid'a. C'est pour cela que les savants qui font partie de nos pieux prédécesseurs, ils ont dit quoi, nos savants ? Ils ont dit, la bid'a est plus aimée auprès de Satan, Shaytan, que le péché. Satan aime certainement plus l'innovation religieuse qu'il aime le péché. Pourtant, Satan aime les péchés, parce que son but, c'est d'égarer les gens. Mais pourquoi Satan préfère l'innovation religieuse au péché ? Parce que l'innovateur, lorsqu'il commet une innovation religieuse, il ne va pas demander pardon à Allah. Sauf si Allah Azza wa Jalla le guide et Allah guide qu'il veut. Mais dans la majorité des cas, il ne demande pas pardon à Allah. Pourquoi ? Parce qu'il n'a même pas conscience que ce qu'il fait, c'est mal. Il n'a pas conscience que ce qu'il fait, c'est mal. Et pire encore, il croit que ce qu'il fait est bien et le rapproche d'Allah. Comment peux-tu vouloir te repentir d'une chose si tu penses que cette chose te rapproche d'Allah ? Tu ne vas pas te repentir de ce que tu considères comme étant un acte d'adoration. Au contraire, tu vas faire tous les efforts pour le commettre, subhanallah al-azim. Tandis que le pécheur, celui qui vole, est-ce que vous avez déjà vu un cambrioleur rentrer dans une maison, voler, puis dire « Oh Allah, accepte de ma part », comme l'a dit Cheikh Abed dans une autre conférence. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un voler quelqu'un ou tuer quelqu'un, puis dire « Oh Allah, accepte de moi », sans en avoir le droit? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un commettre un péché, quel qu'il soit, puis dire « Oh Allah, accepte ». Celui qui commet le péché sait que c'est un péché. Donc, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il veut le guider, la voie pour lui, elle est plus simple, parce qu'il sait déjà qu'il a fait un mal. Même parmi les gens qui font des péchés, ils les font continuellement et ils se repentent continuellement parce qu'ils savent que ce qu'ils font est mal. Tandis que l'innovateur, durant toute sa vie, il va commettre des innovations. Et comme l'a dit Cheikh Abdel Hadi, et s'il en délaisse une, c'est pour passer d'une à une autre. S'il délaisse une bid'a, c'est pour sauter d'une bid'a à une autre, puis de cette bid'a à une autre. Donc l'innovation est plus aimée auprès de Satan que le péché lui-même. Et bien évidemment, l'innovation fait partie du péché. Mais subhanallah al-azim, il faut absolument se méfier. Subhanallah, notre religion est telle, la religion de l'islam fait en sorte que tu ne fais rien, tu ne dis rien, tu ne penses rien, tu ne crois en rien sans avoir vu dans la religion d'Allah quelle est la vie sur cette chose-là. On ne doit pas aimer ou détester quelque chose avant de savoir ce que la religion d'Allah en dit. Méditez sur la religion d'Allah et vous verrez que dans la voie du pieux prédécesseur, l'innovation religieuse est un point essentiel de mise en garde, ainsi que les innovateurs. Celui qui, par exemple, au lieu de faire 33 tasbih, subhanallah, 33 tasbih, alhamdulillah, 33 tasbih, Allahu Akbar, 33 glorifications fois 3, ça fait 99, puis qu'il boucle par la centième, comme l'a fait le messager d'Allah, celui qui a la place de faire ça. Par exemple, après chaque prière, à la place de faire 100 glorifications, il va en faire 1000. Chaque prière, il fait 1000, et il répète cette action, ça devient donc une bid'a par répétition, et il va croire que c'est mieux de faire 1000, parce que 1000, c'est plus en nombre que 100. Celui-là, il a commis l'innovation religieuse. Ceux qui faisaient beaucoup de tasbih, plus que le messager d'Allah, ce sont ceux qui se sont rebellés contre Ali, radiallahu ta'ala anhu. Et ce sont ceux qui ont commencé à faire les premières innovations, qui se sont rebellés contre Ali, radiallahu ta'ala anhu, et qui ont commencé à faire d'une bid'a à une autre. Le tasbih à une autre bid'a dans les actes d'adoration. Et comme ça est née et a commencé la voie des innovateurs en religion. Et très peu d'entre eux se sont repentis. Contrairement aux gens du péché. La majorité des gens parmi les musulmans qui commettent des péchés, alhamdulillah, la majorité d'entre eux se repentent. Mais on ne verra jamais, excepté si Allah le veut, et Allah peut toute chose, un innovateur dire après une bid'a, un voleur à fond voler et dire « Oh Allah, accepte de moi ». Tandis que l'innovateur commet sa bid'a et demande à Allah Azza wa Jal qu'il le bénisse et qu'il le raffermisse sur cette bid'a, subhanallah. Subhanallah al-Azim. Donc là est la différence entre l'innovateur en religion et le transgresseur. Bien que lorsque les savants disent « Al-bid'a, ahabbu ila iblis min al-ma'siyah », ceci n'amoindrit pas bien évidemment la gravité du péché. Le vol, la fornication, la médisance, tous les péchés qui ne sont pas des innovations religieuses, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants et qu'ils sont moins, ils ne sont pas importants et qu'ils sont légers. Ça ne veut pas dire qu'ils sont légers, il ne faut pas les prendre à la légère. Ils sont graves, mais ils le sont moins que l'innovation en religion d'Allah, qui a pour but de rapprocher d'Allah. Qui a pour but de rapprocher d'Allah. Alors le messager d'Allah nous a mis en garde contre Al-Bida', contre les innovations en religion. Iya comme muhdathatul umur. Prenez garde quant aux actes innovants dans la religion. Parce que toute innovation religieuse est innovation, toute innovation religieuse est égarement et tout égarement mène au feu. Et ça, subhanallah, c'est un rad, c'est une réplique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, à l'époque du messager d'Allah, il n'y avait pas la bid'a, comme l'ont dit les savants. À l'époque du messager d'Allah, il n'y avait pas encore d'innovation religieuse. Pourtant, le messager d'Allah a mis en garde contre elle. Parce qu'il savait par la science d'Allah qu'elle allait arriver, et il savait par la science d'Allah qu'elle est grave. Et ça, c'est une réplique du messager d'Allah contre les innovateurs d'aujourd'hui qui disent en islam, comme j'ai déjà entendu, comme un imam, subhanallah, m'a dit, il y a des bid'a bonnes en islam et il y a des bid'a mauvaises. Bid'atun hasana wa bid'atun sayyi'a. Et comme l'a dit le Cheikh Abdel Hadi, il n'y a pas en islam, il n'y a pas en islam d'innovation religieuse bonne. Il n'y a aucune innovation religieuse dans l'islam qui puisse être bonne. Aucune. Le messager d'Allah, il dit, toute innovation religieuse sont égarements. S'il dit tout, c'est tout, sans exception. Et j'ajoute à cela la parole de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, et notre séminaire a pour titre le séminaire de l'imam Malik. L'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit à propos de tous ces gens-là qui disent qu'il y a une bid'a hasana? Il a dit, « Man za'ama anna fil islam bid'atun hasana, faqad za'ama anna nabiyya khana risala. » L'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui prétend qu'en islam il y a de bonnes innovations a prétendu que le messager d'Allah a failli dans la transmission de son message, a prétendu que le messager d'Allah a trahi les musulmans dans la transmission de son message. Pourquoi? Parce que l'innovation religieuse, c'est quelque chose qu'on vient ajouter en plus, et lorsqu'on ajoute, on signifie et on considère qu'il y avait un manque. Lorsqu'on ajoute quelque chose à quelque chose, c'est qu'on considère qu'il y avait un manque à cette chose-là. Et quiconque rajoute dans la religion d'Allah, considère qu'il y avait un manque et un manquement du messager d'Allah dans sa transmission, subhanallah al-azim. Donc prenez garde, mes chers frères, si vous avez un tant soit peu de respect envers l'imam Malik et que vous craignez Allah jalla wa'ala avant tout et que vous prétendez suivre Malik, certains disent « Je suis Maliki, ana Maliki, ana Maliki ». Ensuite il dit « Bid'a hasana ». Prenez garde, il n'y a pas d'innovation en islam, en actes d'adoration qui puissent être bonnes. Quelles sont les preuves de ces sectes Ce sont des sectes, firaq, et de ces gens de l'innovation. Quelles sont leurs preuves, selon eux? Ils disent qu'il y a en islam de bonnes bid'ah, de bonnes innovations religieuses. Et ils se servent d'un hadith encore une fois authentique. Regardez, subhanallah, ahlul ahwa, comme disent les savants, ya'touna bihaq liyasilu ila batil. Ils viennent avec une parole de haq, ils te citent un vrai hadith. Si tu ouvres l'authentique de Bukhari, tu vas le trouver. Si tu ouvres le verset du Coran, tu vas trouver le verset. Ils te citent, les gens de la bid'ah, ils te citent une vérité, ils commencent leur discours avec une vérité. Qala Allah, qala Rasul. Pour arriver avec une conclusion fausse. Ils commencent avec une vérité, ils introduisent la vérité et ils concluent avec le mensonge. Inch'Allah ta'ala, je ne vais pas tarder, il ne reste plus grand chose, mais je ne peux pas y aller résumer, parce que tout ce qu'il a dit, c'est important. Al-Muhim. Quelle est la preuve selon les. Yani on va en terminer rapidement. Quelle est la preuve selon les innovateurs et ceux qui disent la bid'a hasana, que la bid'a elle est bonne? Quelle est leur preuve, ceux qui disent qu'en islam il y a des bonnes bid'a? Ils se servent du hadith authentique du messager d'Allah où il dit: quiconque montre en islam une bonne voie aura la récompense à lui et la récompense de ceux qui œuvreront avec cette bonne voie-là. Et quiconque en islam montre aux autres une mauvaise voie aura son péché à lui d'avoir montré cette mauvaise voie, et il récoltera le péché des autres qui la pratiqueront. Et l'origine de ce hadith, il a une origine. Est-ce que ce hadith, premièrement, il parle de bid'ah? Sunnatun hasana, sunnatun sayyi'a. Et as-sunnatu, comme l'a dit le shikh, la sunna en islam, l'étymologie en langue arabe, ça veut dire la voie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. La sunna en langue arabe, afouane pas en islam, en langue arabe, la sunna c'est la voie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Où est la bid'ah dans ce hadith-là? Celui qui en islam montre une bonne voie aura la récompense pour lui ainsi que ceux qui œuvrent avec, et vice versa. Eux, ils se servent de ce hadith comme preuve. Mais prenons l'origine de ce hadith qui est dans l'authentique de Muslim et dans d'autres authentiques. An Jarir ibn Abdullah radiallahu ta'ala an, qui rapporte ce hadith. Dans la communauté de Mudar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à la sadaqa. Une tribu parmi les tribus musulmanes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à la donation. Donnez, faites des aumônes. Il y a grand besoin d'aumônes. La communauté a besoin d'aumônes. Et chaque homme a ramené une portion et une partie de ses biens. Chaque homme a ramené quelque chose. Certains ramenaient de la nourriture, d'autres ramenaient des biens, d'autres ramenaient. Et cette communauté-là, subhanallah, de Mudar, ils avaient à l'époque vécu la famine. Et c'est pour cela que le messager d'Allah a dit: faites des donations pour vos frères, pour la face d'Allah. Le prophète sallam, donc il est monté et il a fait une exhortation, une khutbah, une exhortation, il a sermonné les gens, donnez une sadaqa. Ça, c'est l'origine de ce hadith. Et chacun a apporté une sadaqa. Ensuite, un homme est venu avec surra, wallahu a'lam, c'est yani l'estomac, wallahu ta'ala a'lam, en tout cas c'est un organe parmi les boyaux des bêtes qui est volumineux et pesant. Un homme est venu, certains savants ont dit c'est Abu Bakr, un homme est venu avec surra, elle était tellement lourde, ce morceau de viande, ce morceau de chair de bête, il était tellement lourd que la main de cet homme qui le portait a penché et il a failli le faire tomber tellement cette portion de viande était lourde et était généreuse. Et le messager d'Allah, lorsqu'il a vu ça, son visage qui était plein d'inquiétude au début, il s'est, alhamdoulilah, il a eu le sourire et il s'est illuminé. Son visage s'est illuminé et il est passé de la tristesse et de l'inquiétude à la joie. Et il a dit: Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruhu wa ajru man amila biha, jusqu'à la fin. Quiconque en islam montre une bonne voie, parce que cet homme-là avait montré une bonne voie qui est la voie de l'aumône. Et comme disent les savants, est-ce que la sadaqa c'est une bid'a en islam? L'aumône, est-ce que c'est une innovation en islam? Bien évidemment que ce n'est pas une aumône. C'est cité dans le Coran et dans la Sunna. Donc la compréhension, subhanallah, des gens de l'innovation est mauvaise. Et cela prouve leur ignorance, subhanallah al-azim. Et d'autres, je résumerai, je terminerai avec cela, d'autres, parmi les gens qui disent qu'il y a de bonnes innovations en islam, s'appuient sur une autre preuve, une vraie parole authentique, rapportée par Omar, radiallahu ta'ala, Omar ibn al-Khattab. Il a dit, ni'ma al-bid'atu hada. Il a dit, ceci est une bonne bid'a, ceci est une bonne innovation. Il avait dit cela. Un jour. Et ils disent, Omar, vu qu'il a dit ça, alors l'innovation peut être bonne et peut être mauvaise. Il y a deux erreurs phénoménales dans lesquelles on tombe quand on dit cela. Si tu dis que Omar a dit qu'il y a une bid'a hasana, tu signifies premièrement qu'il contredit le messager d'Allah. Que Omar contredit le messager d'Allah. Alors que le messager d'Allah dit, toutes les bid'a, toutes les innovations en religion sont égarements. Deuxièmement, prenons aussi la parole de Omar radiallahu ta'ala anhu dans son contexte. À quel moment a-t-il prononcé cette parole? C'était concernant Salat al-Tarawih. Comme vous le savez, la prière de Tarawih que nous prions le soir, après Al-Fotor, après Salat al-Isha, le mois de Ramadan qui est proche, qu'Allah nous balirna Ramadan, comme le disaient les compagnons, qu'Allah nous fasse arriver jusqu'au mois de Ramadan. Salat al-Tarawih, le messager d'Allah est sorti le premier jour du mois de Ramadan, le deuxième jour, puis le troisième jour. Un jour, deux jours ou trois. Il est sorti, il a guidé la prière. Ensuite, il a craint pour sa communauté que la prière de Tarawih soit une prière obligatoire au même titre que les cinq prières. Parce qu'elle est proche de l'obligation, mais elle n'est pas obligatoire au même titre que les cinq prières. Le messager d'Allah, par miséricorde envers sa communauté, il a eu peur qu'à force de prier, Allah Azza wa Jal allait lui prescrire cette prière. Les cinq prières quotidiennes, en plus des cinq prières de Salat al-Tarawih. Donc le messager d'Allah, craignant que ce soit une obligation et craignant qu'elle soit lourde pour sa communauté, n'est plus sorti après cela. Tout le mois de Ramadan qui a suivi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié chez lui, mais n'a pas guidé la Salat de Tarawih. Et les compagnons priaient quand même chez eux, munfaridin, yani isolés chacun dans leur demeure. Et Omar radiallahu ta'ala anhu, après Abu Bakr, lorsque Omar est venu à la gouvernance, il a réinstauré, non pas inventé, il a remis en place Salat al-Tarawih qui existait à l'époque du messager d'Allah. Et est-ce que Salat al-Tarawih c'est une bid'a? Est-ce que c'est une invention, la prière de Tarawih? Non, le messager d'Allah est venu avec, mais il a eu peur que l'obligation soit sur les croyants, alors il a soulevé cet acte d'adoration. Et Omar n'a fait que revivifier une sunna déjà existante, que le messager d'Allah, par miséricorde envers sa compagnon, a arrêté. Donc Salat al-Tarawih, ce n'est pas une bid'a. Et les savants ont expliqué pourquoi Omar a-t-il alors dit « Quelle bonne bid'a celle-ci, quelle bonne bid'a celle-ci » en parlant de Salat al-Tarawih. Les savants ont expliqué que le mot bid'a prononcé par Omar à ce moment-là, dans ce contexte-là, ne pouvait pas signifier l'innovation religieuse, parce qu'on vient de voir les contradictions. Ça signifie plutôt l'innovation en langue arabe. Al-bid'a en langue arabe. C'est en langue, c'est le sens de la langue arabe qu'il a voulu dire bid'a, non le sens du fait d'inventer quelque chose dans la religion. Il a trouvé bon de revivifier quelque chose que le messager d'Allah avait commencé puis arrêté. C'est ça que Omar voulait dire et non pas la bid'a religieuse. Et une dernière chose, le Cheikh Abdelhad, il a parlé de, donc encore une fois, des sectes des frères musulmans et d'autres. Les frères musulmans, on en parle beaucoup parce qu'ils sont très actifs et nous nous devons de riposter contre leurs égarements. Et ils ne se gênent pas de critiquer la voix de nos pieux prédécesseurs. Donc, écoutez bien ce que le Cheikh a dit sur cette secte-là. Il a dit, Hassan al-Banna, qui est leur pionnier, qui est l'inventeur, lui il a inventé cette voie-là, Hassan al-Banna, les frères musulmans, certains d'entre leurs imams, disent de Hassan al-Banna, c'est un Coran qui marche sur terre. Subhanallah, c'est un Coran qui marche sur terre. Ils pensent du bien de lui. Au lieu de dire, il a un bon comportement, au lieu de dire autre chose que cela, ils ont dit, c'est un Coran qui marche sur terre. Et ça, c'est une erreur phénoménale. Il ne convient même pas de dire du messager d'Allah que c'est un Coran qui marche sur terre. Même le messager d'Allah, on ne peut pas dire que c'est un Coran qui marche sur terre. Pourquoi? Parce que la définition et l'attribut de marcher sur terre, c'est propre aux créatures. L'attribut de marcher sur terre, wa ibadullahi alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna. Ce sont les serviteurs d'Allah, les créatures d'Allah qui marchent sur terre. Lorsqu'on dit Hassan al-Banna ou autre, même si on dit le prophète d'Allah marche sur terre, et c'est un Coran qui marche sur terre, lorsqu'on dit du Coran qu'il marche sur terre, on signifie que le Coran est une créature. Et vous savez que parmi les fondements dans notre croyance sunnite, c'est que le Coran n'est pas une créature d'Allah. Le Coran est la parole d'Allah et le Coran est un attribut parmi les attributs d'Allah. Qu'Allah a prononcé, sautan wa harfan, qu'Allah a prononcé avec une voix et des lettres. Ça c'est la croyance. Le comment, on ne doit pas chercher le comment. Le comment, on n'a pas le droit de, comme l'a dit l'imam Malik, lorsqu'on lui a demandé comment Allah Azza wa Jal s'élève au-dessus de son trône. Et ça c'est aussi un attribut d'Allah. Comment Allah s'élève au-dessus de trône? Et l'imam Malik, rahimahullah, ceux qui ont écrit sa biographie ont dit, il a commencé à transpirer. Il a transpiré du visage. Il a stressé et il a répondu à cet homme-là. Al-istiwa'u ma'loum, wal-kayfu majhoul. Al-istiwa'u ma'loum. Il a dit, l'élévation d'Allah au-dessus de trône, c'est quelque chose de connu. C'est cité dans le Coran, c'est connu, on y croit et on ne cherche pas à savoir. L'élévation d'Allah, c'est quelque chose de connu. Le comment, la manière dont Allah s'est élevé sur ce Coran, la manière d'Allah s'élève au-dessus de son trône, c'est inconnu. Écoutez bien, c'est une règle d'or. L'élévation d'Allah au-dessus du trône est connue, de même que tous les attributs d'Allah sont connus. Le questionnement, al-imanu bihi wajib. L'élévation d'Allah sur le trône est quelque chose de connu. La croyance en cela est obligatoire. Le questionnement à ce propos est une innovation religieuse. As-su'alu anhu bid'ah wal imanu bihi wajib. Donc il a dit al-istiwa'u ma'loum, l'élévation d'Allah azza wa jalla est connue. Wal kayfu majhoul, et le comment est inconnu. Croire en cela est obligatoire et questionner à ce propos est une bid'ah. C'est quatre règles d'or comme on dit les savants. Si quelqu'un vous demande comment est la face d'Allah, tu dis qu'Allah a une face, certes il en a une, mais al-kayfiyya, on ne sait pas le comment. Comment est la face d'Allah? Dis-lui, la face d'Allah est connue. Réponds-lui, la croyance en cela est obligatoire. Le questionnement à ce propos est une innovation et as-su'alu anhu bid'ah. Si quelqu'un vous dit comment Allah descend au ciel du bas monde comme dans le hadith, dites-lui, la descente d'Allah est connue. Le comment est inconnu. La croyance en cela est obligatoire et le questionnement à ce propos est une innovation religieuse. Donc, dire de Hassan al-Banna ou de n'importe qui, même de la meilleure des créatures d'Allah, c'est un Coran qui marche sur terre, ça signifie que le Coran est une créature et ça contredit la voix du messager d'Allah tout entière, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le disent, comme l'a dit Cheikh Abdel Hadi, il a dit ceci n'est que le fruit d'un égarement. Il faut vraiment être égaré et ignorant. Il n'y a qu'un ignorant qui puisse dire de quelqu'un, quel qu'il soit, même le messager d'Allah, c'est un Coran qui marche sur terre. On ne doit pas dire ça. Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle n'a pas dit le messager d'Allah c'est un Coran qui marche sur terre. Avec leur ignorance, ils ont fait le qiyas. Ils ont dit Aïcha, elle a dit ça sur le messager d'Allah et nous on dit ça sur Hassan al-Banna. Aïcha n'a pas dit le messager d'Allah est un Coran qui marche sur terre. Elle a dit kana khuluquhu al-Qur'an. Ses traits de comportement, sa ligne de conduite était le Coran. Tu as le droit de dire d'un bon croyant, d'un savant, si tu l'aimes et si tu trouves, voilà nous zakki ala Allah ahada, qu'il a un bon comportement, tu as le droit de dire son comportement, c'est le Coran. Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a dit du messager d'Allah, ses traits de comportement, sa ligne de conduite, c'est un Coran. Était similaire, était semblable au Coran. Elle n'a pas dit c'est un Coran qui marche sur terre. Donc Allah nous préserve d'annuler ses attributs ou de changer leur sens en disant que le Coran est sa créature. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc ceci ne peut être que parmi les fruits des égarements des frères musulmans. Qu'on a cité leur pionnier, le premier d'entre eux qu'ils suivent, Hassan al-Banna, tandis que notre pionnier à nous, alhamdulillah, le premier et le dernier que nous suivons, c'est le messager d'Allah. C'est le messager d'Allah qui est notre exemple. Et nous comprenons l'islam tel que le messager d'Allah l'a enseigné aux compagnons. Contrairement à ce que dit Hassan al-Banna lui-même dans Ar-Rasa'il, pour ceux qui connaissent un peu ses livres, il a dit « An tafham al-islam kama nafhamuhu ». Tu te dois de comprendre l'islam comme je le comprends moi. « La hawla wa la quwwata illa billah ». Hada mardoud. Hassan al-Banna, nous souhaitons Allah Azza wa Jal que Allah lui pardonne. Nous demandons, nous le rendons pas mécréant. Nous ne disons pas il est en enfer. Nous ne savons pas sa destination dans l'au-delà. Nous souhaitons le bien pour toutes les créatures d'Allah. Mais nous disons que ce avec quoi il est venu, c'est une voie erronée, égarée, et c'est une secte, et c'est un parti parmi les partis sectaires en islam, et il convient de s'en méfier. Ikhwati fillah, hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, et excusez-nous pour le retard. Donc les frères, vu qu'on a énormément de retard et qu'on m'a demandé plusieurs fois de résumer, j'ai arrêté un peu avant, mais la salle va fermer très bientôt, donc la salle va fermer et le dars rouvrira à 15h. Inch'Allah ta'ala, on va devoir fermer la salle 15h30, afwan, c'est marqué 15h. Vous mettez d'accord, c'est marqué 15h30, Inch'Allah ta'ala, le temps de tout remettre en ordre. Donc les frères et les sœurs, si vous pouvez disposer de la salle, on va prier tout de suite, Inch'Allah ta'ala. Les frères, on va faire la prière directement là, après on mange et on reprend le dars à 15h30, Inch'Allah. D'accord. Et laissez pas vos affaires, enfin comme vous voulez, mais on va fermer.